Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 42. Alors, je vais procéder au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Alors, comme vous le savez, j'ai eu des problèmes techniques ces dernières semaines. Donc, j'ai du retard sur les emails. Donc, ne vous formalisez pas si vous n'avez pas reçu de réponse dans l'immédiat. Je fais du mieux que je peux pour vous répondre comme convenu. Donc, ne vous affolez pas ou ne vous demandez pas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se demandent ce qui se passe, mais c'est malheureusement les aléas de la technique, comme vous vous en doutez. Alors, il y a aussi notre site internet, democratieparticipative.biz, B-I-Z. Je vous invite bien sûr à y aller, à le faire connaître. Pas à partager les liens, puisque je sais que vous n'allez pas les partager. Mais pourquoi? Parce que dans le milieu social, ce n'est pas toujours bien vu, mais c'est pas grave, parce que le site n'est pas étudié pour que vous le diffusiez, c'est étudié pour autre chose. Mais je garde nos petits secrets de cuisine pour nous. Alors, je vais présenter nos participants de cette semaine. Je commence avec Derek. Salut Derek, comment vas-tu? Salut Gandalf, ça va, la pêche. La pêche, on a aussi Frédéric dans l'évier qui est avec nous. Salut Fred. Oui, bonjour le public. Alors, cette semaine, je suis en pleine assimilation de calories puisque je reviens de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Donc là, je travaille des calories qui restent encore à assimiler. Mais tout va bien, content de vous retrouver. Bientôt sur le banc pour les pecs. Hein. C'est... Mais il va falloir y retourner, oui. Il va falloir y retourner, ouais. Hopman America est avec nous aujourd'hui. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Écoutez, je vais très bien. Je planifie mon prochain voyage vers le paradis blanc qu'on appelle l'Europe de l'Est, hein, bien entendu. Voilà, voilà. Ah, t'as fait un tabac, hein. Ah ouais, j'ai déclenché des vagues de réactions plein d'amour et de bisous, quoi. Des vagues, peut-être pas des vagues. Bon, disons, il y a quelques personnes qui ont été mécontentes de ce que tu as dit. Voilà, bon, c'est pas grave, hein. En avant les nègres quand même. Alors, Fulbert est aussi avec nous. Fulbert est en train de huiler son Luger, de huiler son Mauser. Il travaille toujours dans sa cave. Il s'est adjoint à toute une série de travailleurs forcés pour mettre au point son invention ultime, dont il nous réservera d'ailleurs la primeur. Comment vas-tu, Fulbert, au milieu de tout ce travail? Ah, ben je vais bien. Déjà, bonjour, Gandalf, bonjour à tout le monde. Ben, tout va très bien. J'ai trouvé de la main-d'œuvre récemment par des connaissances libyennes qui m'ont envoyé quelques travailleurs. Je ne sens pas très bon, mais ça va, ça avance quand même. Il faut les surveiller de près. Mais c'est tout bien. Va bien. L'honorable peuple libyen. Ah, ben il est considérablement remonté dans mon estime. Hein. J'avais une piètre image du peuple libyen, mais je suis... Il s'est métamorphosé, hein. Il s'est repris, ouais, clairement. Alors, on a aussi Magdav avec nous. Salut Magdav. Salut à tous, Hamdoulilah. Hamdoulilah et gloire au prophète. Converti à l'islam entre deux morceaux de cochon? S'il peut m'apporter quelques nègres pour mettre dans mes champs de coton, pourquoi pas? Ah, il faut s'adresser à la Libye, là. Voilà. Terre d'islam, s'il en est. Hein. Terre d'islam, s'il en est. Bah, écoute, Léon, moi, j'ai vu une vidéo d'un bougnoul qui dit que en islam, l'esclavage est permis. Ah! Bien sûr. Mais, charrette, mais, c'est permis. Je précise que c'est permis aussi dans le christianisme. Hein. Tout à fait. Contrairement à tout ce que la merde gauchiste a pu raconter. Hein. Voilà. Bon. Alors, Léon est aussi avec nous depuis le Québec. Le Québec toujours aussi envahi par les nègres, les bicots, dirigés par des marxistes, tout ça. Oui, hein, je pense que ça n'a pas trop changé depuis la semaine d'avant. Quoi. Léon, dis-nous en plus, Léon. Ce n'est pas quelque chose qui change, même qu'on se prépare probablement à accueillir une autre vague d'Haïtiens, puisque les États-Unis ont suspendu leur permission de rester temporairement. Alors, on va construire probablement d'autres belles écoles, d'autres beaux appartements pour accueillir ces pauvres misérables. Et très vénéré Führer, libère-nous des bons Aryens et ramène-nous les bons Aryens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Haïtiens, c'est en compétition avec les... Comment ça s'appelle les espèces de Somaliens, là, les nègres de la Corne de l'Afrique. Hein. Et Astérix, qui est aussi avec nous pour cette émission, ça faisait un petit moment. Salut, Asté. Salut tout le monde. Ouais, effectivement, il y a eu quelques perturbations, quelques turbulences, comme disent les pilotes d'avion. Ça va. Très bien, très bien. Alors... l'émission précédente avait été consacrée, comme vous le savez, enfin, pas à l'Europe de l'Est en tant que telle, mais disons à un séjour de Captain qui était parti en Ukraine et en Hongrie, qui avait donc donné son opinion sur son séjour. D'ailleurs, contrairement à certaines réactions en disant qu'il avait décrété que voilà, c'était universel, non, il avait donné son impression sur son voyage en disant que d'autres avaient eu d'autres impressions, voilà. Et donc, il y a eu effectivement des réactions, un peu comme prévu, quoi, hein, des réactions épidermiques, voilà. Donc, Hauptmann, tu voulais... je dis Hauptmann, Captain. Donc, Hauptmann, c'est Captain en allemand. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde le sait, mais bon, je passe de l'un à l'autre sans faire trop attention. Hauptmann... Ouais. Tu voulais réagir en fait, enfin tu voulais répondre à certaines observations qui ont été faites en commentaire par certaines personnes. Alors je sais pas par combien, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, mais bon, adressé à toi directement. Enfin, en tout cas, quelque chose t'a attiré ton attention et tu veux donc y réagir. On t'écoute. Ouais, donc merci Gandalf. Tu disais, dans la précédente émission, j'ai donné mon ressenti vis-à-vis de mon voyage. Et il y a quelqu'un qui a fait remarquer assez justement que 3 semaines dans un pays, c'est pas une analyse géopolitique d'un pays et qu'il y avait d'autres facteurs à prendre en compte et des choses bien plus profondes. Ok, pas de problème. Bon, dans un premier temps, moi j'ai dressé, comme tu l'as dit, un tableau. C'est mon voyage en fait, donc c'est un tableau qui semblait assez négatif, mais je l'ai quand même contrebalancé par des choses qui étaient positives. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai oubliées. Je pourrais très bien rajouter que là-bas, l'âge moyen du mariage c'est entre 20 et 24 ans, ce qui est quand même d'un point de vue civilisationnel un peu plus intéressant. Mais le truc c'est que mon carnet de voyage, c'est quand même déjà une expérience qui est suffisante pour se rendre compte des dysfonctionnements d'un pays en fait. Quand je parle par exemple de la présence massive et du rachat de pas mal de magasins par les Turcs dans la capitale Kiev, j'ai pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour voir ça quoi. Donc, non, c'est une observation voilà. Factuelle. Ouais. Voilà, il y a des observations que n'importe quel péon peut faire quand il se déplace quelque part. Je veux dire, le mec qui vient en France et qui va à Paris, il a pas besoin d'avoir un doctorat pour se rendre compte que Paris est envahi de nègres. D'accord ? Donc après, effectivement, si on veut se pencher sur les causes, lorsque l'on voit les conséquences, en fait, ça, c'est autre chose. Mais moi, j'ai fait un constat. Bon, deuxièmement... Attends, je t'arrête. Je ferai observer que beaucoup de gens en France ont des doctorats et n'ont pas remarqué que la France est envahie par des nègres. Bon, je précise quand même. Oui, forcément, puisqu'on leur dit que... on leur dit que le remarquer, c'est mal, quoi. Donc, voilà, quoi. Bon, deuxièmement, la méthode utilisée par certains commentateurs, à savoir l'attaque ad hominem sur ma personne et sur ma prétendue misère sexuelle, à savoir que je n'aurais pas baisé en Ukraine et que c'est pour ça que j'étais en fait remonté contre l'Ukraine, c'est une véritable méthode de gauchiste de merde, hein. Le truc, c'est que j'ai niqué ou non en Ukraine, en quoi est-ce que cela change la problématique de fond? Ça change absolument pas le problème en fait, d'accord? Donc ces Alors, gens. je souligne un truc, je m'en veux de te couper, de t'interrompre, mais c'est revenu dans certains commentaires en disant en fait qu'il y a une frustration. Alors, j'aime bien l'utilisation du terme. Alors, Frédéric Dans-l'Évier doit déjà être Ah probablement en oui, train de je suis prêt lui, là. lui en train de mettre ses commandes de préparer son commande à calibre 12. Mais bon, chacun son tour. Mais je veux souligner ça quand même pour mettre en perspective la discussion, parce que tu y fais allusion. Hauptmann, c'est qu'en fait, il est dit qu'il y a une certaine frustration chez certains intervenants sur des questions sexuelles, etc., ou dans les rapports aux femmes, et que ça expliquerait un ressentiment ou des prises de position hostiles ou agressives sur tel ou tel sujet. Et donc, évidemment, sur l'Ukraine. Voilà. Alors, donc, la frustration sexuelle serait latente. Il y aurait un stress sexuel, voilà, de gens, en fait, qui n'arrivent pas, je m'en veux être un peu vulgaire, mais qui n'arriveraient pas à tirer leur coup, et qui, donc, on viendrait à concevoir de l'hostilité à l'égard de l'Europe de l'Est. Alors, moi, j'avais pas compris ça, parce que j'avais cru comprendre que ceux qui n'arrivaient pas à tirer leur coup allaient en Europe de l'Est, précisément, et n'essayaient pas de la fuir. Donc, bon, je sais pas, j'ai du mal à suivre un peu le fil. Mais bon, voilà, Ouais. je remets un petit peu les choses en ordre. Alors, enfin, en ordre, En j'en sais fait, rien, mais en tout cas, voilà, dis-nous maintenant ce qu'il en est. bah, en fait, tu m'as coupé parce que j'allais venir à ça, mais bon, tu l'as dit. Ouais, le truc, c'est que c'est un argument moi qu'on m'oppose souvent, à savoir, par exemple, quand en France je parle du remplacement de population, de l'immigration de masse, du métissage, tout ça, on me dit ouais, mais c'est parce que toi, ouais, mais peut-être parce que ta vie elle est pas assez bien, peut-être parce que tu niques pas assez, en fait, Patrick, peut-être parce que tu jouis pas assez de la vie, hein, truc dans le genre, quoi. Mais en fait, j'ai envie de dire, bah, déjà, fermez-la, hein, physiquement, fermez-la, quoi, parce que je me tape en France, hein, ou ailleurs, que je me tape une belle blanche différente tous les soirs, ou que j'ai une meuf et des gamins, en quoi ça change le fait que les populations européennes sont en train d'être remplacées contre leur volonté, quoi. Ce qui s'appelle un génocide, hein, en aparté, quoi. En quoi ça change le fait qu'on n'a pas envie de vivre avec des nègres, par Oui, exemple? voilà. C'est-à-dire Non, que mais c'est ça, voilà, le truc, c'est c'est-à-dire ça, c'est... que tu baises ou que tu baises pas, t'as pas forcément envie de vivre avec des nègres. Hein. Il faut quand même le Voilà. dire déjà. Donc c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'en fait la méthode utilisée par certains mecs pour défendre hein, les pays de l'Est, c'est la même que les gauchistes, c'est-à-dire que les observations qu'on fait, elles seraient invalidées par le fait que notre personne n'est pas conforme à ce que ces gens-là attendent. Non, en fait, moi je vous emmerde, d'accord? Je vais en Ukraine, je vois que l'Ukraine, elle est en train de se faire enculer par les Juifs au pouvoir. Il y a des Turcs qui arrivent partout. Il commence à y avoir des nègres qui se tapent des Ukrainiennes. Le fait que je baisse de l'Ukrainienne ou de l'Européenne de l'Ouest ou pas n'a rien à voir avec ça. Donc à un moment, il faut juste arrêter d'utiliser des méthodes pour déflect, comme on dit en anglais, là, pour esquiver ce qui sont des remarques très justes, quoi. Je voudrais juste rajouter sur le fond par rapport à ça qu'en général, les gens qui ont une attitude plutôt critique, sceptique, etc., vis-à-vis du genre féminin, de la façon dont se comportent les femmes européennes en Europe de l'Ouest, etc., enfin toute la critique en fait du féminisme, mais plus largement du comportement féminin dans le monde moderne, etc., ce ne sont pas les gens qui sont affamés. C'est chez les gens qui sont des affamés et qui effectivement sont des frustrés sexuels qu'on va trouver tous les ce qu'on appelle les White Knights, les chevaliers blancs, qui passent absolument toutes les conneries aux gonzesses, qui rampent systématiquement, etc., etc. Au contraire, c'est chez les gens qui ont une expérience avec les femmes et qui sont arrivés à baiser hein, à gauche à droite, qui connaissent un petit peu, qui savent un petit peu comment ça marche. Et qui ont une vision beaucoup plus mitigée, beaucoup moins, voilà, comment dire, idéalisée de la femme. Ce sont ceux qui n'y arrivent pas et ceux qui sont des affamés, qui systématiquement qui vont donner de l'attention à des gonzesses qui sont plus ou moins des putes, etc., etc. Donc c'est vraiment cet argument et relève vraiment de l'inversion accusatoire. C'est l'inverse de ça. Voilà. C'est-à-dire quand on est méchant, entre guillemets, hein, méchant avec les femmes, c'est parce qu'on les connaît. Parce que quand on les connaît pas, ben, en général, les gens qui les connaissent pas et qui n'ont pas d'expérience, ce sont eux qui sont des naïfs et qui leur passent absolument n'importe quoi et qui leur permettent de se comporter comme des putes. Ça, c'est la réalité. Donc voilà, si vous voulez continuer à faire semblant et à essayer de convaincre des gens qui voilà, lisent le site, qui sont peut-être eux aussi, qui se font avoir, qui sont des naïfs, très bien. Mais sachez que pour quelqu'un qui a effectivement de l'expérience avec les femmes, ça ne marche pas. On a tous compris hein, cette histoire-là. Donc effectivement, comme le dit Hauptmann, ou comme le dit Gandalf, l'histoire des pays d'Europe de l'Est, à la base, c'est quoi? C'est des gens qui se disent ah ben on a du mal en France avec les femmes, tiens, si on va peut-être y arriver en Europe de l'Est. Donc, excusez-nous, mais où sont les affamés, où sont les désespérés, etc., etc. Je veux dire, c'est quand même évident. Donc voilà, c'est quand on nous sort cet argument, c'est tout simplement ridicule. Voilà, moi je vais pas faire de la, hein, je vais pas détailler ma situation personnelle, voilà, parce que j'ai pas envie de donner les détails. Mais bon, enfin, ce sont des accusations ridicules. Et c'est pareil pour l'équipe ici d'ailleurs. Alors, il y avait un. Enfin, Hoffman, tu veux rajouter quelque chose ou on enchaîne sur d'autres points dans le débrief? Ouais, je vais juste finir par un truc. Ça fait quelque temps en fait. Bon, moi je connaissais pas l'Europe de l'Est-Est. Je connaissais l'Europe centrale. J'étais allé en République tchèque. J'avais eu un assez bon retour puisque c'est une population qui a quand même été en contact avec les Allemands pendant un certain temps. Donc les choses sont assez carrées. Et puis d'un point de vue perso, j'avais un bon souvenir de Prague en fait, parce que j'avais rencontré une nana super sympa et j'étais dans une passe où j'avais besoin juste. Je l'ai pas baisé hein, pour les gros cons derrière, Alexandre, ah, misère sexuelle. Non, j'ai rencontré un mannequin tchèque quand je suis allé à Prague complètement par hasard, avec qui j'ai discuté, avec qui j'avais eu plein de points en commun et on avait passé quelques jours ensemble sans qu'il y ait de rapport sexuel, puisque moi justement j'avais besoin de. Je sortais d'une relation très compliquée, j'avais besoin juste de m'évader. Et en fait, donc j'avais un bon souvenir. Donc quand je suis allé en Ukraine, c'était pour voir en fait ce que c'était, parce que moi j'entendais parler que de ça. Il y a des gens dans notre milieu, ils sont en train de vous vendre l'Europe de l'Est comme putain l'Eldorado blanc, quoi. Genre là-bas tout est génial, c'est super, les gens sont sympas, les meufs sont belles, on peut tirer avec les calaches, les machins. Oui, bon d'accord, tu vas là-bas effectivement, tu peux tirer, tu peux monter dans un tank, faire des trucs, oui, des trucs rigolos à faire, y a pas de souci. Maintenant, c'est si vous voulez vendre l'Est comme un paradis pour les Européens, tout simplement parce que là-bas, soi-disant, ils sont contre l'islam, les nègres et compagnie, déjà, ça fait partie du processus de démoralisation, puisque quelque part, les gens qui sont ici et qui auraient envie de se battre pour changer la donne, hein, pour sauver ce qui est leur communauté, quoi, leur héritage culturel. Hein. Bon, ben, ces gens-là vont peut-être un peu dépités, vont peut-être abandonner pour aller ailleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui individuellement apprécient les pays de l'Est, bon, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, quoi. Maintenant, vendre aux nationalistes les pays de l'Est comme soit le dernier rempart, et ça on va en parler après, justement, vis-à-vis de la Turquie, le dernier rempart contre l'islamisation, contre les nègres, les métèques et compagnie, bon, ben, c'est faux. Alors, il y avait un autre point. Effectivement. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est. Parce que ça a dévié un moment sur la Pologne aussi. Ça, c'est Frédéric Danlévier hein, qui a parlé de la Pologne. Il y en a eu une discussion là-dessus. Et toi, bon, t'as dit ce que t'en pensais. Je pense que tu as raison. Parce que je l'ai observé, et je pense que tu as raison sur tes anticipations, on va dire. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont réagi en disant, un petit peu dans la foulée de la question ukrainienne ou hongroise, donc en tout cas du retour, du voyage, hein, du carnet de voyage de Hauptmann, hein, qui n'est qu'un carnet de voyage, hein, je le dis, hein, bien sûr, mais qui a sa valeur quand même. On était parti sur la Pologne, et là, on a eu des réactions, et moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que, en fait, on a eu des gens. Alors, je ne sais pas combien, enfin, deux, trois individus, en fait, qui sont prêts à passer par pertes et profits l'Europe entière pour essayer de faire vivre cette fiction polonaise ultranationaliste qui défendrait l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement paradoxal. C'est-à-dire que pour sauver le mythe polonais, ils enterrent le Troisième Reich, ils enterrent les conditions objectives qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale, ils valident absolument l'alliance de la Pologne ultra-catholique avec la juiverie américaine et anglaise, hein, et française aussi par la même occasion, donc avec les démocraties juives, quoi, et les puissances financières. Alors ça, par contre, ça disparaît du tableau. Hein. D'accord. Et par contre, on se focalise sur les sautes d'humeur d'Hitler, sur le couloir de Danzig. Alors là, par contre, il faut rien laisser passer, comment, quoi. En fait, j'ai eu des gens, enfin moi j'étais assez stupéfait de voir ça, des gens qui reprenaient telle quelle la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bon, si on reprend la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale auprès des Juifs, pour justifier du nationalisme, clairement, j'en fais pas partie. Hein. Bon, bon, moi, c'est pas mon équipe. Hein. Donc, bon, s'il y en a qui le font, bon, bah, ils peuvent se revendiquer du gaullisme aussi. Hein. Le gaullisme, ça fait partie de ça. Bon, moi, c'est pas ma vision des choses. Et je me suis dit, tiens, finalement, ça donne raison à Dan Lévier, qui nous expliquait, en fait, les Polonais, en dehors de leur précaré polonais, ils s'en foutent, hein, voilà, ça les intéresse pas tellement. Et donc, tout devient contingent à la Pologne, c'est-à-dire que tout le reste... C'est-à-dire que les Polonais, ils ne sont pas idiots, c'est pas le problème. Justement, ils sont malins, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont malins, et puis ils ont bien compris qui était le plus puissant dans l'histoire, qui était le gagnant, qui allait être le gagnant, c'est-à-dire la juiverie mondiale associée au bolchevisme pendant un moment, etc. etc. Et bah, tout simplement, ils se sont rangés du côté du vainqueur, et ils font semblant d'être des grands défenseurs de l'identité blanche, chrétienne, etc. Alors, dans leur précaré, dans leur réserve, tu vois, c'est ça, c'est une réserve, voilà, qui finira de toute façon par être submergée comme les autres, en échange de quelques faveurs, je rappelle, alors on va parler de la Turquie, évidemment, mais je rappelle qu'à l'époque de l'invasion de la guerre en Irak par George W. Bush, un des événements qui a lancé le redécoupage du Moyen-Orient, qui a remis au pouvoir des islamistes dans tous les sens en désinguant systématiquement les dictateurs laïcs ou qui tenaient plus ou moins en main les extrémistes religieux au Moyen-Orient. Et bien quand il s'est trouvé personne ou presque, hein, c'est-à-dire il y avait quelques petits pays qui étaient là, voilà. Même la France s'était trouvé un tiers de poil de couille pour dire non. Et ben quand il y avait plus personne à côté de l'Amérique pour aller foutre la merde là-bas et y installer en définitive des islamistes, il y avait qui ? Il y avait la Pologne. Et ouais, comme disait George W. Bush, you forgot Poland. Hein, vous avez oublié la Pologne quand les journalistes se foutaient de sa gueule parce qu'il y avait personne pour aller l'aider. Donc si vous voulez, quand les Polonais arrivent en nous disant voilà, on va être le rempart contre l'islamisme. Mais bande d'enculés, quoi. Je veux dire, c'est juste. À l'époque, ce sont eux qui ont été les premiers. Alors, j'imagine contre quelques écus sonnants et trébuchants, quelques accords commerciaux. Enfin, je doute très sincèrement du profond intérêt géopolitique de la Pologne dans la guerre. Enfin, voilà, hein, vous allez certainement m'expliquer le contraire. Mais bon. Donc, la Pologne rempart contre l'islamisme, gros foutage de gueule, et effectivement, la Pologne, nationalisme d'accord, tant que c'est compatible avec la version juive de la Seconde Guerre mondiale. Alors, soulignons un truc, c'est que la Pologne, qui tend à être évidemment un rempart à l'islamisation de l'Europe, est aussi un fervent soutien de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Très récemment, Erdogan a été reçu à Varsovie en grande pompe, et le gouvernement polonais ultranationaliste, ultra-catholique, a expliqué que 100 millions de kebabs à terme dans l'Union européenne, ça serait tellement bien, surtout sous la direction d'Erdogan, qui a soutenu l'État islamique, les égorgeurs de l'État islamique, qui lui-même appartient à la confrérie des frères musulmans, qu'il a soutenu en Égypte, qui cramait d'ailleurs vivant les chrétiens... Oui, c'est la Pologne, oui, la Pologne catholique qui va défendre l'Europe. Je sais pas qui achète cette escroquerie, je sais pas. Mais là, Il y a principalement les Polonais quand même. Oui, voilà, oui, j'ai l'impression que C'est un marché restreint, hein. c'est ça. Alors, il y a un truc là-dessus, bon, en plus du fait, enfin, moi, j'achète pas du tout l'histoire de la Pologne. Enfin, la Pologne rempart contre l'invasion des kebabs, des Algériens et compagnie. Bon. Voilà, alors je ne donne pas une leçon à la Pologne de ce niveau-là, je veux dire, soyons clairs. La France est un tapis algérien, mais on le dit, on le répète, on le martèle à longueur d'émission. Donc voilà, que certains souffrent qu'une fois de temps en temps, on rappelle que les tocards de Varsovie ne valent pas mieux que les serpillères de Paris, quoi. S'il vous plaît, de grâce. Et il y a des gens qui réagissent, mais vraiment, mais d'une manière épidermique, dès qu'on rappelle des faits. Quand on dit que la Pologne veut la Turquie en Europe, d'ailleurs au même titre que d'autres pays, hein, mais veut la Turquie en Europe, bon, bah, c'est une réalité. Alors, s'ils étaient cohérents avec leur propre politique, ils ne voudraient pas que ces millions et millions de gueules immondes d'Anatolie débaroulent de partout dans l'espace Schengen. Voilà, bon, question de cohérence, c'est évident. Alors, il y a un autre point, moi, qui m'intéresse, c'est, j'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale et de la narration de la Deuxième Guerre mondiale, parce que, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, c'est la défaite de l'Europe intégralement. C'est-à-dire que tous les nationalismes européens ont perdu avec la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça plaît pas, c'est la réalité. Et là, parce qu'on peut se dire, jugeons un petit peu de l'efficacité de cette tactique de bière à trois bandes opportuniste polonais. C'est-à-dire que les mecs ont systématiquement misé et ont perdu. Parce que les mecs en 39, ils misent sur les Anglais et les Français. Pas de bol, les types font pas le poids, ils se font pulvériser par le Troisième Reich. Bon. Les gars disent, on va se miser aussi quand même sur les Américains, ils vont nous sauver en dernière instance. Putain, ils prennent 50 ans d'occupation. 50 ans d'occupation soviétique. C'est-à-dire que tout leur calcul, donc qui a quand même amené au final à la catastrophe qu'on a vue, tout leur calcul n'a mené strictement à rien. Et les mecs arrivent avec la gueule enfarinée, nous disent, ah bah ouais, mais nous on est anticommunistes, anti-nazis, etc. Le monde est fondé autour de nous, hein, voilà, donc c'est à l'échelle de notre nationalisme qu'on juge le reste de la planète. Et vous êtes, voilà, vous avez vocation à vous aligner sur notre propre vision des choses, tout en omettant de dire que leur propre vision des choses les a menés au fond du trou du chiotte, quand même. Donc, je trouve ça assez fascinant, quoi. Aussi, quoi. C'est Bah, je le pense nationalisme que. algérien, quoi, c'est pareil, soyons fiers de notre poubelle. Bah, je dirais pas que la Pologne est une poubelle, enfin, je veux dire, c'est clairement pas l'Europe de l'Ouest au niveau du développement économique, etc., mais pour les raisons que j'ai dites, enfin, le communisme et tout. Mais je veux dire, quand tu fais des trucs d'enculés comme ils ont fait, c'est-à-dire de s'appuyer sur la finance internationale, les juifs, les démocraties occidentales pour abattre les puissances de l'Axe, tout en ayant à tes portes le communisme soviétique, quand tu dis ouais, je vais le faire, bah, à minima, tu vois. Tu gagnes, tu vois. Or, eux, ils ont été cocus tout le long, quand même. Tout le long. Et à aucun moment, les gars ont 3 sous de modestie en se disant, bah ouais, non, en fait, on s'est complètement planté, tous nos calculs se sont avérés infondés. Non, non, ils nous refont la même chose en nous disant, bah non, le nationalisme polonais, d'abord, avant tout et uniquement, quoi. Bon. Cette fois, on a raison, quoi. Ouais, cette fois c'est la bonne. Tu vois. Non, bah voilà. Et donc quand Dans l'évier fait sa critique, bah, moi ce que je retiens Dans l'évier, c'est que Dans l'évier voit plus loin. C'est-à-dire qu'à la différence, en fait, bah, de ce qu'on peut avoir chez nous avec le souverainisme, à la différence de ces nationalismes polonais, de ces nationalistes polonais étriqués, eh bien, on voit les dynamiques très très larges et on voit bien qu'en fait, on peut pas gagner cette manche dans son coin. C'est ce que dit Dans l'évier. On ne peut pas gagner cette manche dans son coin. C'est un problème général dans tout l'Occident. C'est ce que disait aussi, d'ailleurs, Hauptmann par rapport à l'Ukraine. C'est qu'il dit, voilà, tu vas en Angleterre, tu vas à Manchester ou tu vas à Kiev, tu as les mêmes problèmes qui sont évidemment les conséquences, enfin, qui découlent des mêmes causes. Donc, je veux dire, si tu crois pouvoir être plus malin hein, que les grandes puissances qui nous gouvernent, en jouant tout seul dans ton coin, en espérant miser sur des constellations géopolitiques, bon, c'est bien gentil, mais tu vas gagner 20 ans, tu vas gagner, admettons, 25 ans, mais tu vas pas aller beaucoup plus loin. Soyons sérieux, quoi, faut voir un peu plus grand que ça. Et donc, quand un mec arrive nous coller le nationalisme polonais, comme non, il faut être crédible. En tout cas, pour moi, ça me paraît grotesque, très sincèrement, de la même façon d'ailleurs que le nationalisme hongrois. Après, que les gens défendent leur pays, ça me dérange pas. Mais que les types disent « le monde peut s'écrouler autour de nous, voilà, ou autour de l'Europe centrale, et nous, tout seuls, on va... » Non, c'est une imposture. C'est une imposture totale. Et d'ailleurs, parlons un petit peu aussi d'un autre point, c'est Richard Spencer. Ah oui, effectivement. Richard Spencer, hein. Bon, alors là, c'est Richard Spencer donc, qui est la figure de l'alt-right américaine. Enfin, une des figures de l'alt-right américaine. Bon, c'est lui qui a popularisé le terme d'alt-right, donc droite alternative. Bon, chacun en pense ce qu'il veut, peu importe. Bon, c'est quelqu'un qui est connu comme défendant les blancs américains ou qui veut conjurer la perspective de la mise en minorité des blancs. Bon, en tout cas, c'est la ligne qu'il affiche. Et il a été interdit, c'est ce que vient de dire le ministère des Affaires étrangères polonais, il vient d'être interdit de poser le pied en Pologne. Tiens, encore les Polonais, c'est bizarre ça. Voilà, alors qu'il expliquait précisément qu'il trouvait qu'en Pologne, qu'il trouvait que la Pologne avait une politique très positive parce que c'était un ethno-État. Voilà. Et il reprenait les mêmes arguments que les nationalistes polonais. Et moi, j'ai regardé les réactions, en fait, à cette annulation annoncée par le gouvernement polonais, nationaliste, machin, etc. D'ailleurs, précisons-le, à l'initiative des Juifs, cette interdiction. Hein. Bon, voilà. Donc tu as un nationaliste américain qui essaye de sauver la majorité blanche aux États-Unis. Les Polonais, très malins, n'est-ce pas, voyant plus loin que la moyenne, décident de s'appuyer sur qui ? Sur les Juifs, voilà, et de l'interdire de territoire pour venir s'exprimer dans une réunion. Quoi. Vous imaginez, quoi. Voilà, il vient parler dans une réunion qui devait être de quelques centaines de personnes. Non, il n'a pas le droit de parler. Voilà. Alors, entre-temps, moi, je n'ai pas vu que l'État polonais avait interdit aux masses de Juifs d'aller en pèlerinage à Auschwitz. J'ai pas entendu ça pour culpabiliser les Européens, d'ailleurs, à cette occasion. Je n'ai rien entendu de tout ça. Par contre, un Américain qui a un petit peu envie de sauver les siens en Amérique du Nord, alors là, c'est inacceptable. Ouais, non, mais je veux dire, si la Pologne a des problèmes, je veux dire, ça commence quand même par Richard Spencer. Je veux dire, c'est quand même très important. Oui. C'est là. Et j'ai vu des vidéos, alors bon, je sais qu'ils ont une politique officiellement d'immigration zéro. Bon, il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur LiveLeak, sur Twitter. Vous voyez actuellement, enfin, ces derniers mois, vous voyez des musulmans qui prennent à partie des nationalistes polonais en les traitant de tous les noms. Vous avez des moukers voilés. Enfin, je veux dire, ça existe. Donc, et ces gens-là, je veux dire, ils ne sont pas sortis manu militari du pays. Pourquoi ? Parce que les flics polonais, ils sont comme tous les flics de tous les pays, ils sont à moitié laxistes, etc. Alors, il y a la ligne officielle, il y a la délivrance de visa. Bon, ils contiennent l'essentiel de l'immigration. Il faut dire aussi que beaucoup des immigrés ne veulent pas aller en Pologne. Pourquoi ? Bah, il n'y a pas suffisamment d'argent pour aller parasiter le RSA ou les systèmes sociaux. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais sinon, rassurez-vous, hein, vous trouvez des gens qui font des prières dans les rues. Alors, c'est anecdotique, mais il y en a. Vous trouvez des nègres. Bon, il y en a. Alors, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas la Belgique, mais il y en a. Et bien, malgré tout, quand il s'agit de faire chier un individu, effectivement, ils vont choisir un nationaliste blanc. Pourquoi ? Parce que les Juifs ont été chialés. Donc du nationalisme pur et dur comme ça, moi, je m'en passerai. Hein. Effectivement, je crois qu'on peut se passer des Polonais. Ouais. Bah, des Polonais, je ne sais pas, mais je veux dire, de la mythologie polonaise selon laquelle l'Europe va être sauvée par... Non, mais non. c'est parce que ça les dérange, c'est-à-dire que c'est fou, hein, c'est-à-dire que Spencer, il va, comme tu dis, vanter... la politique polonaise, c'est-à-dire enfin défendre en fait les prises de position du gouvernement polonais, et en fait même dans cette perspective-là, ça les gêne parce que Richard Spencer serait raciste. Et donc... Ah voilà, c'est ça. Mais voilà. Mention spéciale d'ailleurs aux photos qu'on peut trouver sur internet de négros avec des t-shirts Polska Proud et avec leur petite polac, femme polac avec la... à côté d'eux, hein, je veux dire, voilà. Mais polonais, racistes, ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais. Mais, ils sont pas, ils peuvent être. Alors, moi, c'est ce que quelqu'un m'a fait observer ça, il m'a dit, je sais plus, enfin, en tout cas, je l'ai lu, en disant, mais il y a des gens très très bien en Pologne et tout, machin. Bien sûr qu'il y a des gens très bien en Pologne, des gens races, des gens qui pensent comme nous, il y en a. Ça change pas les problématiques de fond, quoi. Bah, ça change pas la politique gouvernementale, ça change pas le courant chauvin dominant, qui n'est pas un courant conséquent nationaliste, parce que, excusez-moi, le statonationalisme, c'est fini. C'était le 19e siècle. Alors, les Polonais ont voulu pendant des siècles un État, voilà. Alors, donc, ils arrivent maintenant, ils disent, on a un État, oui, mais vos problématiques sont déjà périmées. Alors, vous êtes encore globalement entre blancs, c'est vrai. Rassurez-vous, votre État national, votre stato-État, votre stato-nation va être pulvérisé de la même façon que l'État national allemand, que l'État national français, que l'État national britannique a été pulvérisé avant le vôtre. Rassurez-vous, c'est les mêmes dynamiques, c'est les mêmes problèmes. Voilà. Et alors bon, peut-être qu'ils s'en satisfont, hein. Peut-être que de vivre dans un océan de négritude sur tout le continent européen, peut-être que ça les dérange pas tellement. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça finira par les gêner aussi, ne serait-ce que l'odeur. Et voilà, donc je pense que dans l'évier a raison de remettre un peu les pendules à l'heure. Et bon, bah voilà. Alors bon, s'il y a des gens qui sont des nationalistes polonais... Enfin, je veux dire, aveugle, complètement rabique, etc. Bon, bah, qui reste dans leur truc, je veux dire, voilà. Bon, pourquoi pas. Bon. Non, mais en moi, fait, la réaction, elle vient pas de Polonais, elle vient de Français qui nous écoutent, je parle des commentaires, hein, d'origine polonaise, à qui on a dit, quand ils étaient minots, quand ils étaient gamins, vous voyez, il faut pas être raciste, parce que vos copains, là, vos camarades, bougnous, les nègres, là, ils peuvent être victimes de racisme, mais vous qui êtes à moitié à quart polonais ou à quart italien, c'était le cas de vos grands-parents quand ils sont arrivés en France. Et ça, ça a profondément imprégné les mentalités de beaucoup de mecs en France qui sont des octavons ou des quarterons de polacs ou d'italiens du Nord, et que tu retrouves bille en tête à lutter contre le racisme, y compris quand ils deviennent souverainistes ou nationalistes. Ouais, et ça, ouais. Il faut qu'ils s'extirpent ça du crâne, parce que c'est encore les ravages du gauchisme à la française. Peut-être ça, ouais. Ouais, ouais. Alors, bon, c'est un débriefing assez large, mais bon, il fallait le faire, il y avait quand même plusieurs choses à aborder. Alors, on passe à la rubrique numéro 1, autisme radical, chers amis. Bon, on va pas s'attarder très longtemps, mais on va quand même en parler. Alors, on parle du Nord, là, pour le coup. Un policier condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir giflé un migrant menotté qu'il escortait. Alors, je trouve ça très, très charmant comme histoire. Donc, on revient en France. Hein. Là, on quitte la Pologne. La Pologne, on n'est pas encore là, mais ça viendra, hein, comme je l'ai dit. Un policier a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir giflé un migrant menotté. En 2016, dans un centre de rétention du Nord, un policier de la police aux frontières a donné une gifle aux migrants menottés qui l'escortaient. Le policier vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal de Boulogne-sur-Mer, assorti d'une interdiction de 5 ans de porter une arme et de 2 ans de fonction publique. Une greffière, témoin de la scène lors du jugement, a témoigné contre lui. Selon l'avocat du prévenu, le migrant était très agité et par crainte de recevoir un coup de tête, le policier a allongé le bras jusqu'à son visage, rapportait le journal Le Figaro. Et moi, j'ai trouvé ça sur Actu 17. Alors, qui veut réagir à cette anecdote? En fait, c'est le flic, en fait, essaye de mader un clando qu'il est en train d'escorter pour l'amener je ne sais où, hein, dans le cadre des procédures. Il essaye de le calmer, hop, 6 mois de tôle ferme, voilà. La greffière, vous imaginez, un syndicat de la magistrature, une espèce... J'ose pas imaginer la gueule de la greffière. Je m'abstiendrai de commenter. Léon et ensuite MacDave. Je trouve ça carrément révoltant. Les forces de l'ordre doivent avoir la marge de manœuvre nécessaire pour être capables de contrôler les criminels qu'ils arrêtent. Je connais pas bien la police et la gendarmerie française. Je connais la québécoise. Et ce que je sais, c'est... Excusez, il y a mon enfant en arrière-plan. Ce que je sais, c'est que la police québécoise est protégée contre ce genre d'abus-là de la part des fonctionnaires, de la part des journalistes et de tous ces gens-là. Les policiers ont la capacité, y compris d'utiliser la violence gratuite, entre guillemets, pour maîtriser un criminel. La gifle servait d'avertissement, c'est tout. Et là, il prend 6 mois de prison. Ça me fâche terriblement. D'accord. On a Magda aussi. Alors moi, ça fait quelques mois que je soupçonne certains articles de venir du Gorafi. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont réellement passés. Mais t'as une gorafisation de la société française. C'est t'as ça. Des trucs qui sont totalement improbables. Tu te demandes, mais comment on peut en arriver là? Et c'est quotidien, en fait. Quand tu regardes sur des sites comme œufs de souche, t'as des trucs mais qui sont juste improbables. C'est ubuesque, tu te demandes d'où ça sort. Alors, moi, je pense que la greffière, elle s'est un peu mise à la place du nègre, si tu veux. Parce qu'elle s'est dit, ah bah tiens, d'ivoire, en fait, un mâle blanc, c'est capable de foutre des gifles. Oh, et ça a une arme à la ceinture. Mais dis donc, moi qui fous rien dans un tribunal, être grassement payé à greffer, hein, c'est-à-dire à gratouiller du papier, bah dis donc, ça pourrait m'arriver. Et puis en plus, je suis quand même dans un milieu où on est quand même très laxiste avec les métèques. D'ivoire, est-ce que ça pourrait pas m'arriver quand ou si jamais le pouvoir viendrait à changer? Donc je pense qu'elle a eu peur et que c'est une réaction typiquement personnelle de fonctionnaires de gauche ménopausés. Bah oui, là clairement, on sent. Enfin, pour qu'une greffière veuille témoigner au profit d'un clan d'eau, vous imaginez le clan d'eau, ça se trouve, c'est un Soudanais, il bite pas un mot de français ou un Afghan, voilà. Par contre, il bite peut-être la greffière. Oui, voilà, c'est ça. De se porter volontaire pour enfoncer la tête sous l'eau d'un flic, bon. On sent déjà effectivement, alors soit la ménopause, soit la multidivorcée, soit la fille. Soit le judaïsme. Tout est possible, mais surtout le pire, je crois. Hein. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut présumer du pire. Il faut présumer. La France. Oui, la France, oui. La France. Alors, et tu t'imagines les jugements qu'elle peut porter, enfin, elle ne porte pas de jugement parce qu'elle est greffière. Mais le milieu de la magistrature française que les gauchistes perçoivent comme un milieu d'extrême droite, enfin, c'est à se tordre de rire. Imagine un petit peu la mentalité des juges, comment ils peuvent juger un blanc ou un flic qui dépasse un petit peu les bornes. Mais les mecs doivent s'en prendre plein la gueule, parce que c'est pas rien le mec à ce qu'il a eu. Hein. Il a eu une interdiction de porter une arme pendant 5 ans, donc il va être viré de la police. Tout ça parce qu'il a mis une gifle à un nec qui gigotait. Quoi. Non, mais de se mettre la tête par terre. Alors, t'as raison de souligner, alors je vais pas donner trop de détails, mais alors il faut savoir que les greffières, en fait, sont souvent dans les mêmes, dans les côtoient dans leur bureau les procureurs ou les juges d'instruction, surtout les juges d'instruction d'ailleurs. Vous les retrouvez côte à côte dans les bureaux, et alors là, ça rigole, tu machin, je vais te chercher un café, oui, alors là, évidemment, ah, t'as vu ça à la télé? Oh, c'est choquant, hein, c'est odieux. Les portes sont bouclées, ça papote là-dedans, etc. La féminisation de ces professions aidant, comme l'éducation nationale. Et alors, évidemment, quand un mâle blanc arrive entre les mains de ces harpies, le type est bon pour la corde. Alors, ça peut être pour n'importe quoi, parce que vous pouvez étendre ça, bien évidemment, surtout aux affaires conjugales. Un homme qui arrive dans une affaire de divorce et qui n'a rien à se reprocher va être assassiné par les juges, va avoir sa vie anéantie, va être, enfin, c'est abusé, je veux dire, la discrimination positive au bénéfice des femmes, évidemment, et des nègres et des métèques par les magistrats. Et effectivement, les greffières sont dans ce bain de culture-là, parlent avec les magistrats, etc. Mais ils sont tous au diapason, et voilà. C'est intéressant de le relever. Et ces gens-là, plus jamais, quoi. Plus jamais, quoi. Vraiment, hein. Donc, le pauvre flic, solidarité avec lui, mais malheureusement, il lui est arrivé ce qui arrive à beaucoup d'hommes blancs qui tombent entre les mains de ces ordures, de la magistrature, ou des professions associées à cet univers-là. C'est triste, mais effectivement, je crois que là, son avenir à la police est derrière lui, quoi. Voilà. Par contre, le migrant sera normalement devrait être régularisé, devrait toucher des aides. Avec un peu de bol, il Je pourra pense piner une qu'il aura banque de même gauche. la Ouais, Légion il va. d'honneur hein, pour avoir survécu aux violences policières de l'État fasciste. Oui, parce qu'il y a un racisme d'État en France. Bon, ben, on va en parler aussi de ça un petit peu plus tard. Ouais. Oui, c'est important de le souligner effectivement. Alors, chers amis, je vous invite à passer ensuite au sujet numéro 2. Royalisme. Royalisme. Ah, tu me fais rêver, vas-y. Alors, royalisme de l'action française. De l'action française actuelle. Action française! Action française. Alors, bon, il y a plein de gens qui sont à l'action française, ils sont pas contents de ce qui se dit, de ce qui se fait à l'action française. Bon, moi, je vous À avouerai nous que. aussi, on n'est pas content de ce qui se dit à l'action française, hein. Ah bah là, moi, j'ai découvert ce qui se dit, donc Bon. Alors, bon, l'action française, moi j'ai vu des communiqués sortir parfois de certaines fédérations, enfin je sais pas si c'est des fédérations, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs qui je me frottais les yeux des fois, parce que c'était co des communiqués intégralement antiracistes. Hein. Revendiqué, c'était de l'antiracisme revendiqué. Ça m'est arrivé de lire ça, notamment dans la région Aquitaine, j'ai vu des fois des communiqués. Je me suis dit, mais attends, c'est l'action française ça ou bien? Ou j'ai mal lu, ou tu vois, je suis pas sûr, quoi. Et là, alors bon, j'ai découvert, là aussi, à force de lire, etc., que l'Action française avait formellement et officiellement appelé à voter Jean-Luc Mélenchon en mai 2017, au présidentiel. Alors là, alors il y avait marqué dans l'intérêt bien compris de la France. Oui. Bah, en fait, un petit peu sur la lancée, ou en même temps, je suis tombé sur des déclarations d'un certain François Belcker. Je ne connaissais pas, je crois que c'est un cadre Et déjà dirigeant le de. nom est prometteur là. Oui, bon, je sais pas, j'avais pas d'a priori, mais sur Twitter, je lis ça, je lis les échanges, je vois ensuite ce qui est répercuté. Et alors, je découvre en fait que l'Action française, bah, c'est le Parti socialiste en fait. Ils ont une conception de la nationalité qui est une conception totalement contractualiste, voilà. Tout le monde, il est français, voilà. Alors, je vais citer François Belcker, donc, qui a fait une conférence sur le thème de l'immigration. Et alors, ça, c'était relayé par une personne sur Twitter, hein, qui, en fait, il dit, voilà, je viens de lancer la conférence de François Belcker sur l'immigration pour l'Action française, je tombe de ma chaise. Alors, du coup, moi, j'ai regardé ça avec grand intérêt, quoi. Alors voici des extraits. Faut savoir, alors je cite tel quel, hein, brut de décoffrage. Faut savoir qu'à l'Action française, on est traditionnellement assez réticent au droit du sang, donc ça veut dire qu'on est pour le droit du sol, ou en tout cas réticent au droit du sang, car faut voir comment il a pu être utilisé dans des pays comme en Allemagne. Ah! Ah! ça fait la jonction avec la Pologne, vous aurez remarqué. Hein. On sent le royalisme. Voilà, alors, donc ça c'est François Belcker qui s'exprime. Alors ça poursuit, il faut se poser la vraie question de l'intégration et de l'assimilation des musulmans. Donc, Ah! je répète, il faut se poser la vraie question, donc ça c'est la vraie question de l'intégration et de l'assimilation des musulmans. Et alors, il précise dans sa prise de parole qu'il souhaite que plus des 80% de musulmans décédés en France, qui sont actuellement ra rapatriés vers leur pays d'origine, donc Maroc et que sais-je, soient enterrés en France. C'est très important de prendre de la place dans le. C'est déjà assez chiant d'enterrer des gens. Alors, si en plus on se met à enterrer tous les Algériens en France, dis donc. C'est-à-dire qu'il faut nationaliser les cafards morts d'Algérie. Et il faut les enterrer en France, quoi, comme si la terre de France avait vraiment besoin de. Bah, apparemment, oui, besoin d'engrais, je sais pas. Alors, ça, c'est donc. Alors, je suppose qu'on est dans la terre et les morts. Alors, voilà, alors, bon, la terre et les morts. Mais la terre et les morts, version Version Kader Toufik. Hein. Ça... Jamel Debbouze, la Terre elle est morte. François Bellegarde, quoi. Jamel Debbouze, la Terre elle est morte, ça vous intéresse Bah lui, il avait dit l'islam est en Europe depuis 3000 ans, donc je pense qu'il est, il est avant-gardiste, en fait, Debbouze. Hein. Il dépasse Bellegarde de loin. Alors ça continuait. Alors vous allez voir qu'en fait, il prêchait un petit peu pour sa paroisse, parce qu'il y avait... J'ai fini par comprendre pourquoi tout ça, en fait. Alors je cite encore. « Mais un Français de souche, ça a combien de générations ?» Question. Êtes-vous sûr que la personne à côté de vous n'est pas harkis, n'a pas donné sa vie pour la France? Les tirailleurs n'ont pas moins donné que les autres. Ah. Et ben là, j'ai découvert que, en fait, toutes ces questions de racisme un peu qui dérangent François Bellegarde, et puis qu'il est mal à l'aise avec le droit du sang, et puis quand même l'Allemagne, et puis finalement il faut assimiler les musulmans, et puis pourquoi on les enterrerait pas là? Ah bah oui, mais François Bellegarde, il a un arrière-grand-père qui est un tirailleur soudanais. Donc voilà, ça peut expliquer certaines choses, certains comportements. Donc on en revient toujours au truc, c'est-à-dire que c'est la démonstration par A plus B que le fait racial est absolument cardinal en politique. Ça conditionne les positionnements politiques des uns et des autres, de Ouria Bouteja, en passant par Daniel Obono ou Jean-Luc Mélenchon, hein, jusqu'à Guénot et François Bellegarde. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que l'identité, elle doit être biologique, génétique et non pas contractuelle, quoi. Sinon, on arrive toujours là, quoi. 95% des gens qui ont des parents qui sont pas européens vont avoir la même attitude, quoi. Donc, c'est un fait, hein. Le type a quand même trouvé sa doctrine politique pour lui, quoi. C'est-à-dire que j'ai un arrière-grand-père soudanais. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Comment je vais faire pour vendre le truc adapté à mon cas particulier? Voilà, Action française, bonjour. Alors il enchaîne parce que alors il a ressorti le truc. Alors ça c'est pas mal aussi. Ça revient souvent ça. En fait, parce qu'en fait là, ce qui se passe, c'est le procès du nationalisme français. Républicain de 2017, en gros, quoi. Hein. Enfin, pour moi, voici ce qu'il dit. Certains dom-toms sont davantage français que certains territoires comme la Savoie ou Nice. Argument régulièrement repris d'ailleurs par Marine Le Pen et non sans fierté. Alors, moi, j'ai envie de dire. Au secours. Bah, quelque part, les nègres sont plus français que les Français. Ah, non, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus français au sens la France marque Georges africaine, quoi. C'est ça. Au sens administratif, c'est-à-dire que si t'es administrativement gouverné par un préfet avant un mec de Nice qui, par ailleurs, est de race blanche, eh ben, le mec de Nice, il ferme sa gueule. C'est tout. Mais ôte-moi d'un doute, ce François Bellegarde, là. Certainement, enfin, je veux dire, quelqu'un qui est insignifiant, hein, si on français, je veux dire, c'est pas sérieux cette histoire, je veux dire, c'est. Je crois que c'est le secrétaire général, j'ai cru comprendre. Ah, le secrétaire général. Est-ce que le président de l'Action française ne serait pas Elie Atem? Non. Ah. Posons-nous la question. Explique-nous, je veux en savoir plus là-dessus. Je connais pas, donc explique-moi. Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, d'accord. Bon, j'avais cru lire des trucs, moi, des quatre États fédérés de Maurras, qui incluaient d'ailleurs, entre les Juifs et les protestants et les maçons, les métèques. Les métèques. Oui, bon. Bon, hein. Bon, faut pas lire trop les classiques, quand même. Alors, j'avais bien aimé la discussion sur Twitter de ceux qui découvraient cette magnifique conférence, puisque... voici ce qu'il nous dit, celui qui commentait. Il dit, alors là je cite le mec qui était sur Twitter qui écoutait la conférence, mais moi j'ai visionné la conférence, effectivement c'est avéré quoi. Alors maintenant il est pour une politique de développement de l'Afrique, car je cite, sans ça il n'y aura pas de politique de retour. Alors là je veux y revenir, c'est-à-dire qu'il veut enterrer les Algériens en France, mais il y aura quand même une politique de retour à la condition... qu'on déverse encore plus de milliards pour ses frères soudanais. Alors là, je dis, oui, là, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que, tu comprends, les Blancs, en fait, en Europe, via, bon, évidemment, les impôts, les allocations, l'abaissement du niveau de l'école, enfin, essayer d'alphabétiser tous les métèques, etc., on n'a pas encore assez payé. Il faut encore balancer des millions, des milliards et que sais-je, hein, et puis certainement quelques blanches au passage, pour que ces fameux nègres consentent, éventuellement peut-être, s'ils ont envie, hein, bien sûr, à repartir avec leurs frères de couleur Ouais, en non, mais Afrique. surtout que bon, le développement des nègres, ça n'existe pas. Hein. Oui, Tu déjà, déverses effectivement. du pognon sur des. Tu arroses des nègres, tu vois, tu les arroses de pognon, ben, c'est comme si tu arrosais des plantes, quoi. Hein. Ça Ah mais trucule des déjà nègres. effectivement Ah mettre non, les les mots. plantes elles poussent, hein, je veux dire, la Les mots différence. Non développement et africain côte à côte, effectivement, il faut déjà oser. Hein, voilà. mais. Ouais, c'est Non, ça, mais non, tu. c'est pas du développement, c'est de, enfin, c'est du développement démographique, hein, c'est-à-dire que tu files Oui. des dollars et se reproduisent à vitesse grand V. Et il y a un site qui est génial, je vous invite à y aller, je crois que ça s'appelle démographiehumaine.net, un truc comme ça. Et tu peux jouer en fait avec les pyramides des âges et les courbes d'expansion de la population du Nigeria. Et en 10 ans, il est né 65 millions de Nigérians. Donc la politique de développement du Nigeria, ça consiste à faire naître des nègres, à faire pondre les négresses par dizaines de millions, hein. Donc ça va pas jouer sur la politique du retour, hein, ça va jouer sur la politique de l'aller. Si les mecs de C'est l'AF ça, sont pas c'est capables ça, de c'est ça. comprendre ça, on peut rien pour eux. Mais moi j'ai pas forcément envie de chier sur les militants de l'Action française, parce que je sais d'expérience que ce qui peut attirer un jeune blanc à rejoindre un parti politique, c'est plus lié à la camaraderie locale qu'aux convictions précises de l'individu. Quand tu rejoins un mouvement qui est aussi anachronique que l'Action française, c'est parce que t'es quand même un petit romantique, quoi, hein. T'es un peu white knight, comme dirait notre ami Fred. Un mec de 20 ans romantique, bon, c'est mignon. Mais à 30 piges, si t'es encore royaliste, après avoir vu la gueule de Louis XX, après avoir vu le merdier dans lequel se trouvent les monarchies constitutionnelles européennes, c'était vraiment très con. Je veux dire, les Bernadottes en Suède, les Windsor au Royaume-Uni, mais putain, mais c'est la chienlit du cosmopolitisme. Alors pour moi, l'AF bleu et jaune, l'AF 2.0 de Belkader, je ne sais quoi. C'est juste un mouvement souverainiste à la con qui n'hésitera pas à te faire débarquer sur les côtes de France des millions de tirailleurs sénégalais qui crieront « Vive le roi! Bah la gueule et compagnie !» et qui te diront que ces mecs-là, ils sont plus français que les Niçois, plus français que les Savoyards, plus français que les Basques, que les Alsaciens. Tout ça pour te foutre sur le trône des gens que l'histoire a évacués parce qu'ils n'étaient juste pas capables de garder le pouvoir. C'est tout. Moi, tu vois, Louis XX, le gros banquier espagnol, ça m'étonnerait qu'il soit plus proche des intérêts de Kevin, 22 ans, lecteur d'égalité et réconciliation, boulanger royaliste à Marseille, que des intérêts de Shlomo Houlstein, banquier à New York. Alors, moi, j'ai aussi écouté la conférence de François Belker. Bon, il y a quand même tout un tas de poncifs et de Salam Alec. C'est assez dégueulasse quand même, mais bon, c'est une synthèse qui est destinée aux militants. Donc, bon, voilà quoi. Ah, C'est un c'est de peu. l'eau tiède, c'est de l'eau tiède, sauf que l'époque n'est plus à l'eau tiède. Je veux dire, tu te fais envahir par des nègres, il y a une bombe démographique à tes portes, t'as du djihadisme partout dans les rues. T'as des mecs comme ça qui sont en train de t'expliquer que parce qu'ils ont un arrière-grand-père soudanais, on va, avant de pouvoir espérer commencer à réfléchir sérieusement à virer les métèques, eh ben va falloir passer à la caisse et payer des rois nègres quelque part en Afrique, espérer voir ces gens-là se développer. Bon, voilà, Derrick, je crois qu'il a quand même il a expliqué que bon là c'est des escroqueries Ouais, avérées. Enfin, qui attends. connaît les nègres un tant soit peu, Voilà, voilà. et que moyennant ça, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer un petit peu à reprendre nos villages, nos villes, nos quartiers, etc. Non, mais attendez, c'est de l'obscénité pure. Belter, il veut juste qu'on arrose sa tribu, en fait. Hein. Bah voilà, non, mais clairement, voilà. Donc, alors je pense que tous les militants de l'Action française ne sont pas comme ça. Je pense que beaucoup, d'ailleurs, sont même pas au courant de tout ça. Enfin, j'en sais rien, mais je pense. Donc voilà, bon, je ne sais pas comment ça marche, mais moi, quand j'ai lu ses propos, quand j'ai lu qui les a tenus, quand j'ai compris les tenants et les aboutissants, bon, je me dis, hop, hop, hop, hop, voilà. Alors donc, autisme radical, hein, autisme radical, clairement, clairement. Alors, avant de faire une petite pause musicale, là, J'ai quand même envie qu'on parle d'un truc. Bah, ça fait le lien en fait avec le développement de l'Afrique. Hein. C'est ces magnifiques images de solidarité raciale à Bruxelles, à Paris, à Nantes, à Lyon, hein, avec l'esclavage qui se déroule en Libye. Hein. C'est quand même beau, je veux dire, vous avez suivi comme moi. Hein, voilà. Des bougnoules vendent des nègres quelque part en Libye. On vient me faire chier les blancs, eh oui. Des négrillons se coagulent dans les rues de Paris ou de Bruxelles et livrent la ville à l'émeute raciale et tabassent des flics blancs, pillent, hein, j'ai vu des images à Bruxelles, hein, ils pillent des magasins, voilà. Bon. Qui veut prendre la parole là-dessus, Derek? Oh, Derek, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ensuite, Fulbert. Ouais. Ah, Fulbert d'abord. Fulbert. Alors, ouais. Fulbert, parce que ça s'est passé aussi à Bruxelles. Mais oui, belle priorité. Mais j'ai vu dans un article, ou même deux, de la presse belge, quelque chose qui est peut-être un peu passé sous silence côté français, je crois. C'est vous qui allez le confirmer. Savez-vous qui est l'organisateur des manifestations? Ah non, non, du tout. Ben, c'est un monsieur qui a eu un petit moment de gloire dans la presse parallèle, grâce à monsieur Soral. C'est un certain Kémy Séba. Ah, qui a lancé des appels via Facebook en appelant justement à manifester. Vous savez pourquoi, tu viens de décrire. Bon, c'est assez comique parce que Kémy Séba, moi j'avais vu un peu Kémy Séba sur le site de Soral, mais il est bon de savoir qui il est exactement, je trouve. Hein, bon, outre son nom, Stélio Gilles Robert Capo Chichi, né le 9 décembre 1981 en France, de parents béninois. Je précise béninois parce que plus loin vous allez voir. Le type, il vient au départ de Nation of Islam, que j'ignorais totalement. Et, rappelez-vous, il a fondé la tribu K d'abord, et puis la génération Kémy Séba. La tribu Kangs. Bon. Ah, puis, il a eu des problèmes. Rappelez-vous que son discours, c'était de pousser les Africains à retourner en Afrique pour construire leur pays d'origine et ne pas venir poireauter ici en Europe. Alors, c'était un, à mes yeux, en tout cas, c'est un très beau discours. Ouais. Il s'est fait virer. Il s'est installé au Sénégal. Il est quand même allé en Afrique. Là, il a poursuivi son militantisme. Il est devenu conférencier dans plusieurs universités africaines. Et en 1913, qu'est-ce que je dis ? En 2013, pardon, il est devenu chroniqueur politique pour différentes chaînes de télévision africaines. Alors, il y a une chose qui est assez surprenante et particulière. Kémy Séba est bigame. Il est marié à une institutrice camerounaise nommée Etouma Séba en 2004. Et depuis 2010, à Natou Pedro Sakombi, chercheuse en histoire africaine de nationalité belge. Mais là, moi, j'émets un gros doute, et d'origine congolaise. Ah non, mais je pense qu'elle est vraiment je pense qu'elle a vraiment la nationalité belge. Hein. Si tu as un doute là-dessus. Ou alors tu parlais de ses diplômes. Oui, mais plutôt, non. Non, je n'ai pas un doute sur le fait qu'elle ait les papiers belges. Mais moi, c'est jamais. Je vais dire comme le Kaiser Guillaume II, ce n'est qu'un chiffon de papier. Hein. Bon, alors il semblerait, parce que là, j'ai pas réussi à trouver une grande certitude, mais manifestement, il serait converti à l'islam depuis 2007-2008. Je ne sais pas quelle année. Voilà, mais c'est un islam noir, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que c'est. Non, non, il est dans l'animisme. Mytho, Nation of Islam, les pyramides volantes, voilà. On a créé voilà. Oui, mais non, et non, le cannibalisme. Non, non, mais c'est authentique. Hein, je veux dire, voilà, c'est-à-dire que toute la civilisation a été créée par des nègres qui ont édifié les pyramides. Et tout ça, ouais, et, déjà, rien que son pseudo Kemi, ça fait référence à, d'après leur gloui-boulga, quoi, ouais. Que le peuple au peuple Kémite, hein, qui serait en fait l'espèce de peuple merveilleux qui aurait inventé les voyages interdimensionnels. Voilà, c'est ça. Il y a 4000 ans. Et donc, ils seraient donc tous des Bantous, hein, c'est pas ? Des Bantous qui auraient inventé ce truc. Très curieusement, on ne sait pas pourquoi. Alors, voilà, et puis un jour, il y a des gens qui sont arrivés. Et paf, les mecs se sont mis à se bouffer entre eux, quoi, à faire du cannibalisme. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, à ne pas savoir cultiver un champ, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai, moi, c'est... Je faisais une petite biographie comme ça, superficielle, mais quand même, je ne faisais pas l'apologie de Kémy Séban, hein, ne vous méprenez pas. Ah non, bon, on l'avait compris. Non, c'est alors, ce que je veux dire, sur le Calibien, effectivement, c'est un fait, Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, David Cameron et compagnie, Hillary Clinton, au profit des frères musulmans, ont tenté un coup d'État démocratique, n'est-ce pas, comme en Égypte et en Syrie, pour mettre au pouvoir des islamistes. Ça n'a pas marché, et c'est devenu le chaos. Bon, ça, c'est un fait. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir en fait que l'utopie multiculturelle et multiraciale est une énorme escroquerie. C'est ça qui est en train de se révéler au grand jour. Ce que nous avait dit d'ailleurs Taubira, elle l'avait dit elle-même, elle dit qu'il ne faut pas trop parler de la traite arabo-musulmane des nègres, parce que ça pourrait créer des tensions entre les musulmans et les arabes et les noirs, même les noirs musulmans. Hein. Il pourrait y avoir des tensions. C'est quand même mieux si on ne tape que sur les blancs, hein, parce que quand même ils méritent ces enculés. Donc c'était vraiment intéressant de voir que Taubira, t'as le cuir avec sa négritude et son histoire d'esclavage dont tout le monde se badigeonne le pourtour anal, entre nous soit dit, de voir celle-là tout d'un coup nous dire oh « Oui, mais vous comprenez, il ne faut pas trop en parler. » Parce que... Et là, paf, ça explose. Et non seulement ça explose, mais on voit des nègres qui lancent des émeutes, etc. D'abord devant la légation libyenne à Paris, et puis ça s'étend à Bruxelles, etc. Alors, on peut se dire, en fait, que l'utopie multiraciale et multiculturelle, c'est juste du flan. C'est-à-dire que, voilà, tant qu'il s'agit, en fait, de racketter les blancs, etc., les crouilles et les nègres sont bien d'accord de faire copain-copain, mais dès qu'il n'y a plus que eux entre eux, c'est la confrontation. Et d'ailleurs, très, très nettement, les nègres se font défoncer la gueule par les arabes. Hein. C'est-à-dire que les nègres ferment leur gueule, quand même. Hein. C'est ça qui se passe. Sinon, ils seraient pareils en esclavage, par définition. Absolument. Justement, une petite info supplémentaire. Il semble que Kémy Séban ne soit revenu en Europe qu'au mois de septembre 2017. Ben oui, qu'il a lancé une espèce de mouvement contre le franc CFA. Il voulait libérer l'Afrique de la tutelle coloniale. D'ailleurs, il est très en phase avec le Front National là-dessus. C'est intéressant. Libérer la France de la tutelle, enfin libérer, j'ai presque envie de dire ça, libérer la France de la tutelle africaine, oui j'avais raison en fait. Donc libérer l'Afrique du franc CFA et le Sénégal qui dépend totalement de la France, l'a foutu dehors, donc il est revenu en Europe et sitôt arrivé en Europe, les mecs découvrent en fait qu'il est déjà en train de fomenter des émeutes raciales contre les Arabes. Moi je trouve ça rigolo, ça m'amuse, hein. Mais ça m'amuse sans m'amuser parce que c'est malheureusement l'Europe, le continent européen qui devient le théâtre de ces horreurs parce qu'en dernière instance, ils peuvent bien se réduire en esclavage les uns les autres, c'est le dernier de nos soucis. Toute cette faune doit repartir dans son continent maudit. Hein. Terminé, point à la ligne. Résolument. Mais je voulais dire que j'ai un petit soupçon, moi. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre sa présence, je suis presque convaincu que oui, qu'il y a un lien entre sa présence et tous ces nègres politiciens, en France, mais aussi ailleurs, qui viennent tout récemment d'ouvrir leur gueule, genre Obono, là, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, mais ça, on va y venir dans la deuxième partie sur l'autre sujet, mais c'est temps de fond, on va y revenir. Non, mais en plus, moi, j'ai vu d'autres trucs, des réactions, parce que, alors, vous savez, dans les grands médias français, d'abord, c'est CNN qui a lancé le truc et tout, alors, parmi les réactions, par exemple, CNN parle du truc, bon, les nègres devraient être contents, Non, non, ils ont attaqué CNN en disant « Ah, mais oui, mais attention, hein, CNN, on sait très bien que pendant des années, ils n'ont rien dit. Donc, quand on parle, c'est pas bien. Quand on parle pas, c'est pas bien non plus, tu vois. » Et alors, j'ai vu des nègres, bah, sur la ligne Taubira, s'exprimant, évidemment, parce qu'invité, alors invité plus qu'invité dans les médias français, remplis, truffés de gauchistes, de, comment dirais-je, de serpillères qui n'ont qu'une envie, c'est d'éponger les larmes de crocodiles de tous ces nègres, parce qu'évidemment, entre eux, ce sont des chiens, hein, ils se traitent comme des chiens, déjà entre eux, évidemment, parce qu'on ne dira jamais assez qu'avant que ces nègres arrivent entre les mains des bougnoules, il y a quand même des rois nègres qui les vendent en premier lieu, hein, voilà, donc la fraternité nègre, hein, bon, c'est, voilà. Et donc que tous ces gens qui viennent chialer sur les plateaux de télévision ont quand même trouvé le moyen de dire que quand les bougnoules réduisent en esclavage ces nègres du Mali, du Sénégal, là, c'est quand même la faute des Blancs. Les Blancs qui se bousculent en Méditerranée avec des rafios de toutes les couleurs, des marines, des bines, etc., pour aller les récupérer par bateau entier. Et ensuite, ils vont se bousculer à la frontière franco-italienne avec l'aide, encore une fois, d'immondes serpillères comme Cédric Herrou. Et t'as encore des nègres à lunettes. Hein, d'ailleurs je sais pas si c'est leurs lunettes ou leurs narines qui arrivent sur les plateaux de télé pour venir chialer sur le racisme blanc. Non mais moi je n'en peux plus de toute cette race là, je veux dire, je n'en peux plus. En fait t'as mis le doigt sur quelque chose de super important, c'est à dire que quelle que soit la volonté, la bonne volonté qu'on mettrait en fait pour véritablement vouloir, à la limite je veux dire les aider, de toute façon ça ne pourra finir que par notre destruction, c'est à dire que ces gens là, si on les laisse faire, ils utiliseront toutes les excuses possibles et imaginables pour toujours avoir quelque chose à nous reprocher. Donc de toute façon, c'est soit on maîtrise nos frontières ou on les maîtrise, soit on disparaît. Il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire, c'est quand même les Blancs, comme l'a dit tout à l'heure McDav, qui ont réussi, hein, avec les dispensaires, les écoles et compagnie, à élever le niveau de vie en Afrique. Maintenant, ils nous remercient comment ? Ben, en nous envahissant et puis en nous disant qu'on est des enculés, quoi qu'on fasse. Tu les aides, t'es un enculé, tu les aides pas, t'es un enculé, tu fais rien, t'es un enculé, tu leur offres tes filles et tes sœurs, t'es un enculé, tu veux pas qu'ils touchent à tes filles et tes sœurs, t'es un fils de pute, enfin bon, voilà, quoi, c'est une équation. Alors, qui... François Belker n'est pas d'accord avec toi. Ah oui, je comprends bien. C'est son arrière-grand-père... Oui. Hein, voilà. Un peu de respect pour l'Action française, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Il a lutté pour la France, quand même, hein, son grand-père. Hein. Hein, voilà. Non mais attendez, il n'y aura pas de politique de retour sans aide à l'Afrique. Hein ? Il faut... Oui, parce que le prolo français n'a que ça à foutre d'aider l'Afrique, en fait. Il faut le savoir, c'est... Bah, j'ai envie de dire comme s'il était déjà assez au quotidien, tu vois. Genre... Ah, non, je trouve qu'on ne paye pas assez d'impôts, on pourrait en faire un petit peu plus, quoi. Oui, bah ça doit être pas vu au programme. Bah non, mais Macron, il a pas annoncé qu'il allait augmenter l'aide au développement, machin, de 1% du PIB français. C'est le truc, c'est de dire 1% du PIB. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est, hein? Quelque part, est-ce que ce pourcentage là correspondrait pas au pourcentage qui va manquer pour le financement des armées, hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Bah, faut demander à Belker. Je veux dire, le chef du budget du développement de l'Afrique, faut voir avec lui, hein, il aura des réponses. Allez, une petite pause musicale, les amis, et on se retrouve tout de suite après. Tant de vagues d'immigrés qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'indigène du barbare, l'arabophone peut plastronner. On a déjà démissionné, abandonné nos nos défaillances additionnées. Tout effacé par le tiers-monde nous remplacer. Je voudrais revenir dans mon paradis blanc, où les filles sont si blondes qu'on croirait les voyants, que coule dans leurs flancs l'or d'un soleil triomphant. Je voudrais revenir dans mon paradis blanc, terre hyperboréenne où chassent mes frères de sang, à l'ombre des grands frênes, loin des puissances d'argent, comme avant. Tant de vagues de pongidées qu'on est déjà tous liquidés, tous suicidés, et qui blâmer ou condamner. Longtemps avant les bas années, c'était déjà nécrosé, décomposé, d'avoir voulu tout contester et tout remplacer, et du vieux monde tout effacer. Je voudrais revenir dans mon paradis blanc, la source des muses va toujours ruisselant, danser en adorant les vieilles idoles de sang. Je voudrais revenir dans mon paradis blanc, où les yeux sont si purs qu'on dirait des diamants, que baigne un océan au visage des enfants, comme avant. Loin des puissances d'argent, rien qu'entre braves gens, parmi mes frères de sang. Comme Alors, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission, saison numéro 2, épisode numéro 42, et nous allons d'abord traiter de la question, en fait, de cette ségrégation qui émerge à gauche. Hein, voilà, on interdit la présence des Blancs maintenant dans les réunions syndicales. Hein, alors, le déclin... C'est pas nouveau à proprement parler, parce qu'il y avait eu avec Anne Hidalgo, si vous en rappelez, il y a quelques mois, une université d'été à l'initiative du Parti des Indigènes de la République, je crois, et d'autres organisations, une conférence qui avait été enfin, cette université en fait avait lieu dans une pièce, enfin une salle qui avait été réservée auprès de la mairie de Paris. Et en fait, Anne Hidalgo, au début, avait dénoncé, puis finalement s'était rétractée et avait invité les organisateurs à se reporter sur une salle privée. Donc en fait, on avait botté en touche. Et en fait, loin de s'éteindre, évidemment, cette polémique, entre guillemets, parce que là, on est plus dans l'anthropologie que dans la polémique, a été ravivée. Je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent le savent, voilà. Sud Éducation a déclenché une polémique puisque Sud Éducation 93, donc Seine-Saint-Denis, organisait donc une réunion syndicale interdite aux blancs, qui faisait la part belle aux nègres, aux profs nègres, musulmans, arabes et compagnie. Parmi les invités, il y avait notamment Marwan Muhammad, alias le Rastapopoulos maghrébin. Oui, c'est ça, il a, effectivement. Lui, notre ami, quand il n'est pas en train d'haranguer la plèbe islamique lors des prières de rue de Clichy-la-Garenne, eh bien, il est dans des réunions de Sud Éducation, donc Sud, c'est les trotskistes, hein, pour encourager la ségrégation contre les Blancs. Alors, on va écouter un bref résumé en fait de la situation avec un reportage totalement lambda passé sur TF1. Comme ça, voilà, les gens sauront de quoi ils retournent s'ils ne le savent pas. Et on se retrouve. Des stages d'enseignants réservés aux non-blancs, inconstitutionnels, inacceptables, dit le ministre de l'Éducation, et pourtant maintenus, défendus par les organisateurs Sud Éducation du 93, stolés hein, sur les réseaux sociaux ces dernières heures, et donc jusqu'au plus haut niveau de l'État. Anne-Chloé Bottet. C'est avec ce tract que le syndicat Sud Éducation 93 a déclenché la polémique. Un stage pour les professeurs avec des ateliers pour les enseignants racisés. Des ateliers en non-mixité raciale réservés aux non-blancs. Intitulé « Au croisement des oppressions, où en est-on de l'antiracisme à l'école ?» Des tables rondes avec des invités pointés du doigt par la LICRA. À ce stage notamment, des membres du Parti racialiste des indigènes de la République. La LICRA qui dénonce le caractère raciste de ce stage. On est dans cette communautarisation, dans cette essentialisation, avec les enseignants se voient affublés de critères racisés. C'est une résurgence raciste qui vise à assigner à des groupes une identité victimaire. Cette poussée idéologique vise à parceller, fragmenter, affaiblir le socle républicain, laïque et universaliste. Inconstitutionnel et inacceptable pour le ministre de l'Éducation, un stage syndical qui trie ses membres sur la base de leur origine. Côté Sud Éducation 93, le syndicat dénonce par communiqué des offensives diffamatoires contre ce stage, toujours prévu les 18 et 19 décembre prochains. Alors, bon, voilà, les choses sont claires. Bon, nos participants, évidemment, sont totalement au courant de la, comment dirais-je, de ce qui se joue. Et donc, ça a généré en fait toute une série de prises de position. C'est-à-dire qu'il a fallu prendre. Enfin, tout un chacun a pu se déterminer. Et, phénomène très intéressant, finalement, non seulement le Parti des indigènes de la République avec Auria Bouta, bon, celle qui nous traite de sous-chiens, etc., mais derrière. Toute la mouvance des frères musulmans et aussi des mélenchonistes se sont positionnés. Et là, bah, c'est une donne qui est nouvelle, parce que jusqu'à présent, c'était isolé en fait. C'était isolé, groupusculaire, on trouvait ça sur YouTube, etc. Et là maintenant, voilà, ça y est, c'est bon, ça s'assume. Alors, avant de détailler les prises de position des gens qui sont pour, enfin, en gros, aigres, qui défendent ça... J'ai envie de revenir quand même sur ce qu'on a entendu avec Monsieur Mario Stasi de la LICRA, qui nous a fait un magnifique discours là, qui cherche à délégitimer cette démarche d'auto-ségrégation des nègres, puisqu'il nous dit en gros, voilà, c'est une rupture de l'universalisme républicain. Ces gens cherchent à enfermer en gros les gens dans des cases ethniques, raciales, voire religieuses. Et surtout à renforcer des postures victimaires. Les renforcer dans une identité victimaire. Alors c'est le patron de la LICRA qui parle. Alors là, je veux vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette magnifique position de la LICRA qui dit « Ah non, On ne peut pas assigner les gens selon leur appartenance ethnique, surtout si c'est victimaire. Bah, il est clair que la DICRA a une réaction de ce qu'elle est, c'est-à-dire la victimisation, c'est pour les juifs, rien que pour les juifs, toujours et éternellement pour les juifs, pas pour les autres péquenots. Donc monopole, en gros, question de turf, quoi. Hein. Ils défendent leur turf. Voilà, j'ai envie de prendre ta parole aussi, Frédéric, dans les vies là. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là ? Bah, je pense que effectivement, les associations pro ségrégation des blancs pour faire des trucs exclusifs aux nègres et aux métèques, etc. Je pense qu'ils sont en train de faire du buzz pour piquer le bise de la LICRA. Hein. Donc et voilà, déjà d'une. Et puis, comment dirais-je, moi je trouve que ça fait finalement, ça fait progresser nos idées. Alors effectivement, c'est pas forcément dans le sens du rapport de force qui nous est le plus favorable, mais qui dit ségrégation des blancs, dit ségrégation des autres aussi, ça peut marcher dans tous les sens. Moi, ça me dérange pas que des profs, des fonctionnaires, des grosses gauchiasses de merde se fassent ségréguer, finalement, ça, je trouve ça plutôt amusant. Alors, j'espère que ça va peut-être un petit peu leur décrasser les yeux. On verra bien. Moi, je trouve que ça, il y a un gros potentiel de progression de nos idées avec ça. Hein. Alors, moi, je voulais surtout, enfin, on va y revenir là-dessus parce qu'il y a d'autres positions qui nous permettront de le commenter. Mais surtout sur le discours du patron de la LICRA qui dit c'est scandaleux qu'on assigne des gens dans des ethniques et raciales et surtout c'est sur une base victimaire. Alors là, ouais, c'est sûr que non, mais c'est pas le genre des gros juifs, n'est-ce pas, de la LICRA d'assigner des gens dans des cases ethniques et victimaires. Je veux dire, c'est vraiment pas leur style. Donc c'est assez oui, c'est assez cocasse, n'est-ce pas, de voir Stasi là hein, nous sortir. D'ailleurs, je crois que Stasi il doit certainement avoir un lien de parenté avec un certain Bernard Stasi qui était l'auteur de la célèbre formule « L'immigration, une chance pour la France ouais, ». Alors, une chance pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, effectivement. Bernard Stasi, il avait aussi fait un truc sur les... sur les travailleurs détachés qui venaient des pays de l'Est. Donc, ça... Les choses sont liées. Ah oui, il couvre, il joue sur tous les tableaux. Mm-hmm. La quadrature du cercle. Voilà, voilà. D'accord, donc effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, le fils, petit-fils, cousin de, on ne sait pas, de toute façon, enfin, c'est la tribu, quoi, est-ce que le petit Stasi trouve encore que l'immigration est une chance pour la France ? Bonne question, on bah verra. Oui, parce que bon, il faut quand même juguler le nazisme, mais il faudrait quand même veiller à ce que... Ça commence à être mitigé le tableau là quand même. Hein. Ça, voilà. Il faudrait que ça continue à l'être et que ça ne penche pas dans un sens plus que dans un autre. Quelque part, la politique de la balance, hein, vieille politique insulaire, vieille île, d'une île presque éternelle, j'ai envie de dire, hein, qui finalement ne change pas tellement d'ailleurs dans sa optique. Bon. C'est à relever. Qui veut réagir autrement sur ces propos indignés hein, contre moi, moi j'ai envie de dire. Il y a un truc, chose. Ouais. Ouais, vas-y, Opan. Ok. Moi, ce qui m'a fait tiquer, en fait, c'est quand il dit qu'ils ne peuvent pas accepter ce genre de propos ou de séminaires qui, alors entre guillemets, je cite, qui visent à les fragmenter le socle républicain, laïque, universaliste. Bah. Là, pour moi, ça veut tout dire, en fait. C'est-à-dire que, déjà, parceller, fragmenter, je veux dire, qui c'est qui nous envahit de nègres, de bougnoules, même des Asiates, enfin, de Syriens et compagnie. Bon, c'est quand même eux, quoi. Donc, déjà, venir faire de l'inversion accusatoire vers les populations qu'ils ont fait venir, bon, déjà, c'est un peu rigolo, quoi. Et après, moi, c'est ce socle républicain, laïque, universaliste avec lequel j'ai du mal, quoi, tu vois, parce que finalement, on en revient aux fameuses valeurs de la République. Et ben, les valeurs de la République, c'est quoi ? Les valeurs de la République, c'est la destruction du peuple duquel elle est censée venir, en fait. Elles sont censées venir, pardon. C'est les valeurs de la République, pour faire court, les valeurs de la République, c'est le génocide des peuples européens, quoi. Bah, c'est d'accord, mais tu vas pouvoir t'inscrire à l'Action française, là, c'est bon. Bah, en fait, c'est le découplage du politique et du socle ethnique, racial et géographique qui porte ce matériel humain. Voilà, c'est la base. Ils disent, voilà, nous, on est une promesse religieuse, hein, en fait, une promesse religieuse, et pour qu'elle s'accomplisse pleinement, il faut qu'elle dépasse le contexte voilà, historique, contexte spatial, le contexte racial dans lequel il est apparu. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours dit ça, j'ai eu toujours cette formule, Robespierre finira en boubou. J'ai toujours expliqué ça. Les gens ont du mal à comprendre, mais la vocation effectivement de la Révolution française, c'est de finir avec des nègres qui jouent du tam, voilà, place de l'Étoile. Et d'ailleurs, nous y sommes, voilà, nous y sommes, ça y est, voilà, c'est la grande promesse de cette religion, voilà, qui est une religion nomade, hein, de partout et de nulle part, parce que elle ne veut s'appartenir qu'à elle-même et ne plus être la propriété de ceux qui l'ont fondée. Bon, bah voilà. Nous y sommes, voilà, on y est. C'est intéressant à relever. Et alors, ils sont dans leur contradiction totale, effectivement. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenir l'universalisme. Bon, là, c'est un faux nez. On voit bien que la République est un masque, en fait, de tribus. Bon, là, en l'occurrence, d'un réseau très précis, voilà, dont d'ailleurs Manuel Valls se fait le roquet de plus en plus agressif, caricatural aussi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de dire des vérités. Je veux dire, Val, ça peut, pour être pertinent, il faut pas voir ça. Il faut pour être pertinent, mais subversif, il faut pas voir. Il faut parfois savoir dire des vérités pour emballer ses mensonges, n'est-ce pas ? Ça va avec. Donc Valls, il nous fait des sorties de plus en plus tapageuses sur l'islam. On se demande même s'il a été Premier ministre, hein, objectivement. Mais on sait très bien pourquoi. Et de l'autre côté, on a des gens qui font à peu près la même chose. Et alors, c'est très rigolo parce que la République, en fait, maintenant, c'est la position défensive des puissants, mais qui ne sont pas du peuple autochtone. Bon, y a quelques traîtres, mais bon. Pour prévenir des gens qui sont plus... Alors, je ne vais pas dire plus royalistes que le roi, surtout sous la direction de François Valcker, donc... plus républicains que les républicains, mais qui sont en fait des nègres ou des métèques musulmans, qui veulent occuper leur place, quoi. Donc maintenant, on a, ah oui, mais quand même, l'islam, ah oui, mais la laïcité, voilà. Ça, c'est intéressant à relever, donc voilà. Dialectiquement, je pense qu'en fait, il faut, moi, je suis d'accord avec Frédéric dans l'évier, c'est bon pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, les gens comme Mouria Boutedja et compagnie sont en train de démontrer que la race est le seul déterminant. Et que donc, ce n'est pas dépassable. C'est un cadre qui n'est pas dépassable. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est que dans le cas des syndicats, etc., ça touche des milieux sociaux professionnels qui, d'habitude, sont quand même très isolés par rapport aux problèmes provoqués par l'immigration et tout le caca métèque, etc. Bon, même si, oui, c'est vrai que les élèves dans les classes... mais au niveau de leur place, de leur statut... de leur pouvoir économique, ce sont des gens qui sont très très protégés. Et là, on voit se mettre en place la conjuration des métèques pour évacuer de plus en plus les blancs des places effectivement qui rapportent de l'argent, de la sécurité, etc. etc. Et là, ça peut potentiellement devenir intéressant. Bon, alors, on va poursuivre un petit peu sur cette discussion. Donc voilà, bon, en tout cas, maintenant, en raison de la modification raciale du peuplement qui habite la France, y a des conséquences politiques. Ce qui était marginal il y a encore quelques années avec des gens comme Mouria Boutedja, etc., devient en fait moteur. C'est des choses qui ont existé aux États-Unis. Bon, on va pas parler du Parti démocrate, de ce qui s'est passé avec Lyndon Johnson, Affirmative Action dans les années 60-70, parce que c'est de là que ça vient, même s'ils ont été inspirés par des sociologues français d'extrême gauche, toujours dans les années 70. Ça revient un peu comme un boomerang, c'est assez rigolo d'ailleurs. Donc la France devient une espèce de laboratoire en Europe de ce qui se fait de pire, mais qui existe déjà aux États-Unis. Donc c'est effectivement des coalitions opportunistes bâties par la gauche sur des critères, ce que Stasi appelait essentialistes, mais en fait c'est des critères d'attribution ethnique ou sexuelle. Hein, voilà, alors c'est les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les noirs. les musulmans là, et ça se cumule, c'est croisé, ça peut être, voilà, on peut avoir aussi, comment dirais-je, des noirs lesbiens, enfin lesbiennes, bon, vous imaginez, ce qu'ils appellent les luttes intersectionnelles, c'est-à-dire que, en fait, c'est l'opportunisme, en fait, on va écouter un extrait tout de suite, oui, ils appellent ça les luttes intersectionnelles, et vous allez pouvoir réagir. Et donc, on crée des coalitions comme ça, conjoncturelles, pour essayer d'avoir un poids suffisant pour peser sur le débat public au détriment des blancs, hein. Et donc, cette lutte tribaliste, profondément effectivement animée par un côté victimaire, se crée en miroir, c'est intéressant, des juifs. Parce qu'en fait, les juifs, c'est le maître étalon de la victimisation politique et des dividendes qui vont avec. Et donc, il y a l'idée que pour réussir, il faut à la fois copier les juifs et en même temps les évincer. Et c'est là qu'on voit intervenir des intellectuels juifs qui tout d'un coup commencent à « Oui, mais attendez, nous, on ne voulait pas dire ça, etc. » Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, dans le spectre politique français, pour des raisons raciales, on a des porte-parole qui comptent. Est-ce que... Alors, là, je vous pose la question. On va l'écouter tout de suite. Je vais mettre un extrait de Daniel Obono, qui, je crois, va vraiment... cette femme-là va vraiment... Enfin, cette femme-là, je suis généreux aujourd'hui. Cette gabonaise-là va, à mon avis, continuer à attirer l'attention et va avoir son lot de soutien, à tel point, je pense, que clairement, aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ne peut plus s'en débarrasser, parce qu'elle prend trop de poids dans sa base. Et donc, cette négresse-là joue carrément la carte. C'est-à-dire qu'au départ, sur la question d'Ouria Boutedja, elle était assez ambiguë. C'est-à-dire qu'elle a dit « Oui, j'ai été une compagnonne de lutte avec elle, mais je ne suis pas d'accord avec elle surtout. » Là, sur les réunions interdites aux Blancs, donc en France, donc en fait, les réunions interdites aux Français en France, Obono, la grosse négresse gabonaise, payée par le contribuable français, donc par les Blancs, quoi, a pris fait et cause pour. C'était sur, je crois que c'est sur Sud Radio. La non-mixité avec les stages qui étaient proposés par Sud Éducation, est-ce que ça peut permettre, selon vous, de libérer la parole ou pas? Est-ce que vous êtes contre ou pour ces stages non-mix? Déjà, je pense que ce qui a été organisé donc, par un syndicat dans le cadre d'une formation syndicale est beaucoup plus large que ça. Je crois qu'ils l'ont expliqué d'ailleurs, ce sont des stages qui étaient ouverts à tout le monde. Après, la question de la non-mixité, c'est encore autre chose, parce que c'est une pratique d'abord qui existe dans beaucoup de mouvements, les mouvements féministes par exemple, les mouvements LGBT. Et donc, c'est à quel moment, de quel outil on se dote pour pouvoir organiser des débats, pour pouvoir échanger et discuter. Mais ce n'est pas un peu dangereux d'organiser de tels débats ? Là, c'était des débats, sans la présence des Blancs, hein, c'est ce qui était prévu par le syndicat Sud Éducation. Non, je pense que, y compris ce syndicat-là a communiqué en expliquant quel était exactement le cadre. Mais encore une fois, je vous rappelle, la pratique de la non-mixité n'est pas dangereuse dans le sens où c'est une pratique qui répond à des besoins à un moment donné de catégories. Par exemple, je reviens encore à l'exemple du mouvement féministe. À un moment donné, les personnes qui sont victimes de violences sur un certain nombre de questions vont avoir un besoin à un moment donné de dire il va falloir qu'on puisse discuter en se sentant en confiance. Du coup, il faut le faire avec... Voilà, des personnes avec lesquelles on s'identifie comme partageant le même type de problème. Donc, dans ce cas-là, c'est plus un outil pédagogique, justement, pour pouvoir libérer la parole plus facilement. Et ça, encore une fois, je pense que peut-être que c'est peu connu, mais je vous assure que dans des mouvements, sur ce que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement LGBT... En tout cas, ça a été LGBT, condamné par Jean-Michel Blanquer. Oui, mais Blanquer, je pense que malheureusement, peut-être que le ministre va peut-être se renseigner encore un peu plus. Ah bon, Parce que c'est, encore une fois, c'est dans les mouvements sociaux, dans l'histoire, c'est des formes qui existent pour répondre tort, à des alors, besoins. Jean-Michel Blanquer a eu tort. Je pense qu'il faudrait se renseigner et justement, d'abord, ce qui s'est passé exactement dans ce syndicat et plus largement, quelles sont les formes qui existent aujourd'hui, justement, pour que les personnes puissent parler, discuter et trouver les moyens de résoudre des problèmes qui se confrontent. Daniel Obono. Alors, il y a des catégories, il y a des besoins. Qui veut réagir là-dessus? Oui, moi j'aimerais bien ne pas avoir comment ça s'appelle, pouvoir faire des rassemblements non mixtes, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des certaines catégories ont des besoins, ça serait sympa. Ce serait pas mal que la France, par exemple, devienne une zone non mixte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une catégorie qui s'appelle les Français de souche, qui veulent en fait ne plus vivre avec des sales nègres et des sales arabes et des métèques de toutes les couleurs, et que toute cette faune, au choix, repart dans son pays ou allez savoir. Donc moi je suis pour adopter totalement la logique de Daniel Bonobo, hein, et de lui dire, bah voilà, écoute négresse, puisque tu aimes tellement finalement poser ton gros cul en face de moi, dont acte, hein, voilà, tu veux pas de ma présence, moi non plus, barre-toi au Gabon. Mais qui va avoir les burnes de dire à cette infâme négresse putride qu'elle se casse au Gabon? Qui va lui dire? Bah, je crois que Marine Le Pen est bien positionnée. Hein. Non mais là c'est là aussi. Tiens, c'est intéressant ça. C'est l'impasse du nationalisme civique dont on a parlé dans l'émission précédente aussi, je crois. Enfin, on en a parlé souvent. Mais c'est-à-dire que Marine Le Pen a félicité le ministre Blanquer qui a condamné en fait cette réunion et a dit voilà, je vais porter plainte parce qu'on a dit il y a du racisme d'État, c'est pas vrai. Donc évidemment, tout le monde comprend. Enfin, il y a une ambiguïté là. C'est-à-dire que les gens se disent, je suis content que le ministre et que Marine Le Pen tapent sur la gueule des nègres. Donc ça, c'est le premier mouvement. Mais deuxièmement, il y a la phraséologie utilisée. C'est-à-dire, Blanquer, il dit, ah bah, il n'y a pas de racisme d'État en France puisqu'on est antiraciste. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que l'idéologie officielle de l'État français, c'est l'antiracisme. Ça, c'est sanctionné par des lois, etc. C'est très clair. Donc lui, il dit, non, il n'y a pas de racisme d'État, vous mentez. Et effectivement. Donc le mec défend un système, une législation qui permet l'invasion progressive de la France, d'ailleurs, et de l'Europe aussi, la criminalisation des Blancs qui veulent résister, mais se plaint des conséquences de sa propre politique et dit « Ah bah non, vous les nègres, etc. Vous n'avez pas le droit de le faire, et blablabla, blablabla. » Et là, il y a Marine Le Pen, évidemment, bon, on va pas lui demander trop de réfléchir non plus à Marine Le Pen, mais bon. Elle dit « Oh, c'est fabuleux, etc. Mais il faut des actes, etc. Il faut s'occuper de ces... » Machin. Donc, elle valide, effectivement, bah non, on est tous français, peu importe notre appartenance raciale. Moi, je dis, il faut aller au fond du problème. Et le fond du problème, c'est précisément que ces nègres n'ont rien à foutre là, et ils ne peuvent pas, par définition, pour des raisons raciales, accéder à une nationalité européenne, quelle qu'elle soit. D'accord ? Donc, on touche au nationalisme civique absurde, c'est-à-dire au patriotisme de préfecture, à la nationalité administrative, dont il faut absolument se débarrasser. Alors, bon, je suis pas naïf, hein, voilà, c'est pas cette République-là qui va y mettre un terme. Mais je pense que c'est quand même la question centrale. Et que les... Peu importe, en fait, que les Blancs l'acceptent ou l'acceptent pas, de toute façon, les Nègres vont se débarrasser des scories du républicanisme universaliste, égalitariste à papa, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent du tribalisme pur et dur, ils veulent être entre eux et ils veulent le pouvoir. Donc, voilà. Donc, il faut s'adresser à eux dans les bons termes, quoi. Et oui, et Marine Le Pen, voilà, la République, l'égalité, machin, ça ne mène à rien. Ben oui. Écoute, chers amis, j'aimerais élever un petit peu le débat, la question, et citer le grand Caton l'Ancien, qui nous a laissé la célèbre phrase « Quand c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou ». Autrement dit, on a la recette, on la connaît maintenant. Il suffit d'invoquer la non-mixité. Et là, j'ai l'air de faire des blagues, mais je suis très sérieux. Il y a des précédents, et on les a au Québec aussi. Allez voir à l'Université du Québec à Montréal, c'en est plein. La discrimination est acceptée quand il s'agit de faire des réunions ou des assemblées non mixtes. Essayons-le juste pour voir, et je suis certain que ça va finir par passer. Après tout, le racisme, on ne parle pas des manifestations de haine et tout ça. Le racisme en soi est universel. Il est normal et à quelque part, il est sain. Le racisme relève du même mécanisme que celui qui va me faire préférer ma famille aux voisins, mes voisins aux étrangers. Voilà. Qui d'autre J'avais sollicité Derek, mais je ne sais pas s'il est revenu. Est-ce que tu es là, Derek? Toujours pas. Il est fâché, Derek. Hein, il est fâché. Qui veut revenir sur cette affirmation, en fait, dans le sillage de Mélenchon parce qu'on a vu aussi dans Mediapart, hein, Mediapart avec Plenel, ils ont vraiment pris fait et cause aussi pour ces réunions-là. Dans Libération, j'ai vu aussi une pétition qui dit non, mais c'est normal, c'est faisable, c'est logique, c'est légitime. Donc il y a quand même l'affirmation, en fait, pendant un certain moment, on a parlé de droite différentialiste. En fait, maintenant, il y a une gauche différentialiste, enfin une gauche racialiste. C'est pas vraiment même une gauche au sens où ces nègres se revendiquent de gauche. En fait, c'est juste les tribus qui s'affirment politiquement et veulent plus de poids, plus et puis surtout ils ne veulent plus de blanc, quoi. Donc qui a envie de m'en parler de ça, de réagir? Bon, j'ai envie de dire que écoute, c'est alors ça prend un tour qui est pas si nouveau que ça, en fait, dans le sens où je me souviens plus comment elle s'appelle, l'immonde beurette à lunettes de 95 kilos, là, le gros loukoum qui était passé devant Alain Juppé à la télé. Je sais pas, c'était avant les présidentielles. Ça vous dit quelque chose, ça? Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ah, faudrait que j'arrive à retrouver ça. C'était une beurette qui était en mode oui, mais monsieur Juppé, la politique en France, elle est à votre image. Il n'y a que des hommes. Enfin, vous êtes vieux, vous êtes un homme et vous êtes blanc. Et il est temps que ça change. Bon, ben voilà, je veux dire, c'est juste la continuation, en fait. De la guerre raciale, effectivement. Oui. Mais oui, voilà, c'est tout simplement la volonté exprimée des peuples non autochtones de prendre notre place, quoi, et d'avoir le pouvoir. Et il y a un exemple, moi, que j'adore répéter, c'est ce qu'on appelle la Turquie actuelle, en fait. La Turquie actuelle, comme tout le monde le sait, avant, c'était l'Empire romain d'Orient, quoi. Et les mecs avaient fait venir des Turcoples, en fait, des populations donc venues d'Asie pour servir de garnison impériale. Et les mecs, une fois qu'ils étaient suffisamment nombreux dans les villes, ils ont dit quoi? Ils ont dit, écoutez, maintenant c'est chez nous. Alors les Anatoliens de souche, vous dégagez, quoi. Et puis, 1000 ans plus tard, vous avez quoi? Vous avez la Turquie, quoi. Donc, c'est... La démographie, hein, ça ment pas, quoi. Donc, après, l'idée de Léon est... Pourquoi pas, hein, histoire de rigoler, histoire de troller, on devrait faire exactement la même chose et voir ce que ça donne. Ça pourrait être... c'est un petit peu comme l'initiative là, des mecs de 4chan aux USA qui ont placardé des papiers, des posters marqués « It's okay to be white ». C'est cool, enfin c'est normal d'être blanc, en fait. Ou, je veux dire, on peut être blanc, c'est pas un problème, quoi. On devrait peut-être tester, voir ce que ça donne. Au moins, ça aurait le mérite de jeter les gauchistes en face de leurs propres contradictions, quoi. Alors, moi, j'ai envie de rendre hommage à l'université française, là, parce qu'elle a quand même produit des choses magnifiques, et notamment à Maboula Souma Oro. Non, mais... Je découvre. On va l'écouter tout de suite, là, parce qu'elle, elle est dans ce que vous dites, quoi. Elle a un projet... c'est un projet qui s'affirme, hein. C'est un projet nouveau mais qui s'affirme, progressiste résolument. On l'écoute et ensuite on continue la discussion. En tout cas, il disait c'est une réaction presque compréhensible. Je voudrais prendre deux exemples. Un jour, il y a eu une candidature contre nous, quand à l'époque c'était Strauss-Kahn qui était candidat, en disant Sarcelles est une ville de noirs dirigée par des juifs. Et donc, on va se présenter parce qu'on est noir pour que les noirs reprennent le pouvoir. Ils se sont présentés aux élections. Est-ce qu'ils ont gagné? Ah non, ils ont essayé. Sur le thème, en disant voilà. C'est, et puis c'est on, tout. On, donc on arrive. Ils n'ont pas gagné. Alors, je prends un deuxième exemple pour montrer qu'on arrive. Attendez, sur ce premier exemple, parce que quand même, ça va surprendre beaucoup de gens qui nous écoutent. Madame Souma Oro, ça vous choque pas cette démarche? Non, cette démarche ne me choque pas. Ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent réagir et peuvent essayer de trouver les solutions qui leur conviennent. Sur des bases antisémites et racistes, c'est bon. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus sur une base raciale. c'est quand même une thème antisémite en disant que les élus sont des juifs, donc c'est pas normal qu'ils dirigent des noirs, c'est de l'antisémitisme. Mais se présenter sur parce que c'est une base raciale, se présenter à une élection et essayer de séduire un électorat sur une base raciale, c'est pas choquant. J'entends ce que vous dites, mais moi ce qui me choque, par exemple, c'est, je sais pas moi, l'apparence de l'Assemblée nationale, par exemple, que je vois très blanche, très très blanche. Peut-être que ça ne vous saute pas aux yeux, mais ça me saute. Est-ce que c'est un projet délibéré, d'après vous? Pensez. Il est organisé, en tout cas. Bon, chers amis, voilà. Voilà, Sarcelles, une liste, effectivement, pour prendre le pouvoir au profit des Noirs et évincer les Juifs. Ça ne choque pas Maboula, hein, clairement. Bon, voilà, moi, je ne me prononce pas. Hein. Et, voilà, donc, pourquoi pas, hein, c'était sur LCI ces derniers jours. Hein. Donc, dans la foulée de Obono, les réunions syndicales, on en a parlé. Bon, il y a aussi, je fais un petit peu le lien, mais les émeutes raciales, suite à l'esclavage en Libye, bon, allez, voilà, tous les nègres arrivent, ils foutent l'air. Bon, cette France multiculturelle, visiblement, hein, cette utopie cosmopolite, pacifique, voilà, semble produire de nouveaux fruits. Et alors là, clairement, les Youpins sont sur la ligne, là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça, Frédéric Danlévier, dis-moi un petit peu, là, ce que Maboula te suscite. Ah bah moi, je suis avec Maboula, quoi. C'est-à-dire qu'on voit juste, bon, pas que je sois particulièrement amateur de négresse, mais de voir la réaction des journalistes sur le plateau, notamment Pujadas, qui est là, qui panique, qui se dit « Oh merde, il y a des nègres qui vont me pogromer la gueule ou qui vont essayer de le faire ». Parce qu'ils sentent le truc arriver quand même, hein. tu sens bien qu'ils détectent quelque chose, il y a quelque chose de nouveau dans l'air, hein, une nouvelle fragrance, voilà. Donc je suis Maboula, salut, je suis le premier à le dire. Ça sera peut-être une position originale, mais j'assume, voilà. Donc finalement, le grand remplacement jusqu'au bout, quelque part. C'est-à-dire que Sarcelles au moins de Strauss-Kahn qui fait venir des nègres partout et ça se termine en pogrom, allez savoir pourquoi. Toi, tu te dis, c'est un peu la loi de la nature, hein, je veux dire, une autorégulation comme ça, moi ça ne me pose pas de problème, hein, foncièrement. Derek, qu'est-ce que ça t'inspire, cette magnifique sortie de Maboula? Toi, tu es moins Maboula, hein. Toi, tu n'irais pas jusqu'à dire je suis Maboula, hein, clairement. Ouais, bah c'est vrai que bon, j'ai cru que c'était une scène du Seigneur des Anneaux, hein, avec, on aurait dit vraiment, un orc, quoi, tout droit sorti du Mordor. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, imaginez que ce soit, je sais pas, même, pas un nationaliste, enfin, ouais, pas un raciste blanc, tu vois, mais ne serait-ce que. Ouais, je sais pas, le type qui va défendre les crèches dans les mairies, le type aurait été traité par le journaliste et les invités comme un odieux fasciste. Il aurait été comment dire, traité avec mépris. Là, bon, la négresse qui raconte qu'elle va faire comment dire que oui, bah les juifs vont Hein. Ça les dérange, enfin, ils sont. Ça les dérange un petit peu, mais pas plus que ça, en fait. Hein. Bon. Le truc, c'est qu'on n'a pas entendu la LICRA, en fait, là-dessus. Là, hein. La prudence est de mise, j'ai l'impression. Je sais pas si. Ouais, c'est bizarre. Après, est-ce qu'il craindrait qu'effectivement, à la différence de la menace néo-nazie, est-ce qu'il craindrait. Enfin, la menace violente néo-nazie, est-ce qu'il craindrait. Par extraordinaire, qu'effectivement les nègres passent à l'action en fait. Bah, je sais pas, moi je pense que c'est à force de nous avoir expliqué que les nègres étaient merveilleux pendant 30 ans, les types y croient vraiment. Donc quand un nègre dit bon ben ouais, maintenant je vais vous pogromiser la gueule, ah d'accord, ben bah, oui, tout va bien, bah, très bien, voilà, bah, voici ma tête, hein, viens donc avec ta machette, quoi. Ils tendent le coup pour se faire couper la tête. On peut noter aussi le. Peut-être l'obsolescence des projets d'Alain Soral, puisque maintenant, il n'y a plus besoin de se réconcilier avec les bougnoules pour arriver à des pogroms. Là, c'est pratique, on saute les étapes, les nègres sont là, ils ont faim, Voilà, donc effectivement, et à quoi ça sert égalité, réconciliation, quelque part, hein, on peut se poser la question. Qui veut rajouter quelque chose là-dessus? Bah, je pense que tous les espoirs sont permis. Voilà. Non, mais en fait, c'était tellement évident pour nous que ça allait arriver, plus vite que prévu, que si tu veux, c'est tout à fait normal. Quand la négresse Taubira dit il faut faire attention, parce que les gens comme moi, c'est-à-dire des grosses négresses dégueulasses, sont de plus en plus nombreux, bah voilà, on y est. Et puis ça va être de pire en pire, donc c'est tout, quoi. Dont acte. Et n'oubliez pas les sages paroles du grand Caton. Oui. Qui est bon pour moi et bon pour toi. Ah ouais. Derek, sur cette méditation de la France post-raciale, cher à Lilian Thuram, à Yannick Noah, qu'est-ce que tu veux dire? La France post-raciale, c'est la France nègre, quoi. C'est ça, bah, sans les blancs, quoi. Oui, oui, que je dis. Puis au final, ça sera une terrain vague, hein, parce que les nègres laissés à eux-mêmes, quoi. Hein, ça va pas très loin. Ah, je suis pas d'accord. Avec un peu d'argent, le développement. Ah bah oui, c'est le développement. Hein. C'est pas François Belcaire, bonjour. Quand il n'y aura plus qu'un terrain vague, ils iront à l'Est. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Ciao. La France est devenue une île de Sèvres sans s'en apercevoir. Elle est devenue pas plus importante que la Drôme ou l'Ariège, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez tout de même que la puissance d'une nation ne se mesure pas qu'au nombre de ses habitants. Ah, oh, si elle a ses ressources matérielles, elle les a pas non plus. Alors elle n'a pas parlé, n'est-ce pas? Napoléon, qui n'était pas si sourd qu'on veut le dire, disait la Chine est un géant qui dort. Quand il bougera le petit doigt, il fera trembler le monde. Nous sommes à l'époque où le géant remue le petit doigt, n'est-ce pas? Et j'ai bien peur qu'il fasse trembler le monde, n'est-ce pas?